Aux abonnés absents. Aux abonnés absents. L'émission triple A. Qui n'est pas présentée par des andouillettes. Bonjour et bienvenue aux abonnés absents. Les abonnés absents, le podcast triple A qui n'est pas présenté par des andouillettes. Je suis aujourd'hui avec Bilou. Salut. Salut, salut. Avec Valentin. Et le bonjour. Et Lucie. Bonjour. Voilà, et je suis avec moi-même également. Alors, on va commencer d'abord avec Linky Pit de Lucie, sur un livre de Maurice Genevoix qui s'appelle Roux. Nous enchaînerons avec un quiz musical de Valentin. Je vous ferai ensuite une chronique que j'intitule Le Prince du Peach, qui parlera de Super Mario le film prévu pour 2022. On enchaînera avec le Voxo Quiz, puis Valentin nous parlera du cloud gaming, est-ce le jeu vidéo de demain ? Et Bilou terminera avec des news médias de ces dernières semaines un peu mouvementées, ton radiophonique et journalistique. Alors on commence sans plus attendre avec Lucie pour Linky Pit. Alors, la dernière fois, je vous ai parlé du sorceleur. Donc du coup, c'était un peu connu parce qu'il y avait la série, c'est une littérature fantasy assez populaire et je sais qu'il y a des fans, etc. Là, on va complètement changer de registre et d'époque puisque je vais vous parler d'un livre début 19e siècle, début 20e et un livre que j'ai découvert l'année dernière. Alors je vais un peu expliquer le contexte. Je travaillais dans une librairie. Et il se trouve que du coup, 2018-2019, enfin plutôt 2018, c'était l'anniversaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Et du coup, il y a pas mal de livres qui sont ressortis sur la Première Guerre mondiale. Alors des documentaires, des biographies, des autobiographies, des fictions, etc. Et notamment, je me suis retrouvée à déballer pas mal de gros bouquins, vraiment un énorme pavé qui s'appelait, qui s'appelle toujours, hein, Ceux de 14 de Maurice Genevoix. Et à mettre ça en devanture et tout, puis ça partait assez vite. Puis tiens, je connais pas, donc je feuillette un peu. Et il se trouve que c'est des témoignages d'un soldat pendant la Première Guerre mondiale, écrit par Maurice Genevoix. Et du coup, comme on avait pas mal de ventes sur ce type de livre, mon collègue s'est dit « bah tiens, on va commander d'autres livres de cet auteur-là pour si jamais les gens sont intéressés ». Et du coup, on a reçu d'autres livres de Maurice Genevoix, et notamment « La dernière harde » et un autre livre qui s'appelle « Roux ». Je déballe le bouquin et je commence à lire la quatrième de couverture de « La dernière harde ». Et là, le coup de foudre. Et oui, ça arrive en littérature aussi. Je lis ça et vraiment, ça me touche complètement. Je me dis, mais c'est merveilleux, il faut absolument que je découvre cet auteur. Donc Maurice Genevoix, c'est un écrivain français qui est né dans la Nièvre donc en 1890. Donc voilà, quand je parlais de fin 19e, début 20e. Qui du coup a grandi, qui a passé beaucoup de temps au bord de la Loire. Et qui a donc vécu cette Première Guerre mondiale en tant que jeune soldat. Ça a été une période très marquante pour lui, alors pour qui ça ne le serait pas d'ailleurs. Mais voilà, il va vivre ce conflit, il va y perdre son meilleur ami pendant une des batailles. Et lui notamment, il va être très très gravement blessé pendant cette guerre. Il va avoir besoin de plusieurs mois, je crois 7 mois, pour se remettre de ses blessures. Des blessures tellement graves d'ailleurs qu'il va complètement perdre l'usage de sa main gauche. Et donc pendant cette guerre, il va rédiger un témoignage, donc les fameux Ceux de 14, qui rédige en fait entre 1916 et 1923, donc ça dépasse un petit peu la période de la Première Guerre mondiale, et qui est considéré aujourd'hui comme une des plus grandes œuvres sur la Première Guerre mondiale. Et puis après, il va en fait retourner un petit peu dans sa famille, notamment chez son père, au bord de la Loire, dans un petit village. Et là, il va continuer à écrire, mais ça va complètement changer de registre, puisqu'il va plutôt écrire des livres sur justement les gens qui habitent dans cette région, sur la campagne, sur la nature. Et ses livres vont avoir un certain succès. En 1927, il va notamment remporter le prix Goncourt pour un livre qui s'appelle « Rabolio ». Et puis, il va aller assez loin, hein, au niveau de sa reconnaissance littéraire, puisqu'il va rentrer à l'Académie française en 1946. Il va continuer à écrire comme ça. Alors, ses ouvrages, donc, notamment la nature, il parle un petit peu de voyage aussi. Il a écrit des choses sur le Canada, par exemple. Et puis, voilà, ce qui le pousse à écrire, c'est avant tout son désir de témoigner, alors que ce soit pendant la Première Guerre mondiale, mais aussi par la suite ses autres ouvrages où il va parler plus de la vie quotidienne, entre guillemets. Il est très intéressé par les animaux aussi, et il a un type d'écriture extrêmement poétique. D'ailleurs, dans ses romans, il y en a qui sont classifiés comme vraiment des romans de fiction, et il y en a qui sont plutôt, enfin, appelés des romans poésie, tellement il a une écriture comme ça qui fonctionne énormément sur les images, sur les métaphores, etc. C'est notamment le cas de La Dernière Harde. La Dernière Harde, qui est le premier livre de lui que j'ai lu, du coup, et qui raconte l'histoire d'un cerf. Voilà, un cerf qui vit dans les bois, en Sologne, voilà. Mais alors, faut pas du tout vous imaginer un truc à la Disney, ou un truc pour les enfants, rien à voir. C'est vraiment le point de vue d'une bête sauvage, son rapport à la nature, et puis il y a des personnages de chasseurs, etc. Mais voilà, n'imaginez pas du tout Disney dans votre tête, ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus réaliste et poétique. Et je ne savais pas, j'ai fait mes petites recherches au moment de parler un petit peu de ce bouquin, et en fait, ça tombe pile dans l'actualité, parce que figurez-vous que Maurice Genevoix devrait rentrer au Panthéon cette année, en 2020. Et voilà, alors pourquoi j'avais très envie de vous présenter cet auteur, parce que j'ai eu un coup de foudre littéraire, parce que l'écriture est absolument sublime. En tout cas, si vous êtes intéressé par tout ce qui touche à la nature, aux bêtes sauvages, avec un style extrêmement détaillé au niveau des images, des couleurs, des descriptions. Alors, voilà, c'est vraiment le cœur de ces livres-là. En tout cas, dans cette thématique, parce que j'ai pas lu ceux de 14, par exemple. Je trouve que c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable. Et moi, j'ai choisi particulièrement Roux, parce que déjà, c'est le seul que j'ai à la maison. En fait, La Dernière Harde, je l'avais emprunté, donc je l'avais plus sur moi. Mais donc, Roux, c'est l'histoire d'un chat. Et sur Internet, on sait que les chats, ça marche bien. Non, c'est pas pour ça que je l'ai choisi. Donc, c'est l'histoire d'un chat. Encore une fois, rien à voir avec un univers Disney, etc. On est vraiment beaucoup plus dans la poésie. Et si ça peut paraître au premier abord simplement d'ailleurs l'histoire d'un félin, de sa naissance à sa vie d'adulte, les personnes qu'il va rencontrer, la façon dont il vit, etc. En fait, tout le roman est construit et peut être compris aussi comme une parabole et une métaphore par rapport à la liberté. Qu'est-ce qu'on fait comme choix quand on décide d'être libre ? À quoi on renonce ? Est-ce qu'on renonce à s'attacher aux autres pour préserver sa liberté ? Est-ce qu'on accepte le fait qu'on peut en mourir de cette liberté, justement ? Il y a beaucoup d'aspects comme ça qui sont abordés dans le livre. Ça me fait un petit peu penser à certains aspects de l'animé Les Enfants Loups. Je ne sais pas si vous connaissez. J'ai beaucoup aimé cet animé. Voilà, il est magnifique. Et à chaque fois, j'ai envie de pleurer au début. donc où c'est plus du coup la liberté, laisser la liberté à ses enfants du point de vue de la maman. Mais il y a aussi cette question du personnage du père qui est donc aussi un loup et qui du coup ben il faut le laisser libre quitte à ce que il risque sa vie. Et je trouve ça super vraiment intéressant. C'est quelque chose qu'on peut pas forcément trancher d'une façon ou d'une autre. Genre oui, non, peut-être. C'est voilà, ça amène à la réflexion et à poser aussi les questions sur soi-même, sur notre rapport à la liberté. Alors ça s'appelle Roux, ça n'a rien à voir avec la couleur, hein. Ça s'écrit pas R-O-U-X, ça s'écrit 2-R-O-U, parce que c'est le nom du chat, et ça a plus rapport au bruit en fait que fait le chat, le... Oui, j'avoue que les 2-R au début, j'ai trouvé ça très bizarre. Mais... c'est ça. Ah oui, parce que moi j'avais complètement marqué sur le programme R-O-U-X. Oui, j'ai vu. Mais non, et ça n'a rien à voir. Il est noir, en fait, ce chat. Il n'est pas du tout roux. Et, C'est parce qu'il est noir, c'est ça, d'accord. Ouais, c'est pour ça. Et du coup, je vais vous lire le début du livre, et puis on verra si on peut en reparler un petit peu après. Ils étaient dans le creux de sac, peut-être 4, peut-être 5 chatons d'un tas, encore moites de leur mise au monde. La mère, une mince chatte bigarrée, s'allongeait à travers eux, tout le corps détendu, les flancs plats, une lueur fiévreuse dormant dans ses prunelles. Elle se courba d'un mouvement lent et lasse, flaira les petites têtes aveugles et commença de les lécher. Tantôt l'une, tantôt l'autre, une noire, une blanche, et de menus crânes invisibles qui cédaient doucement sous sa langue. Il miaulait déjà pêle-mêle, ou plutôt vagissait à grêle plainte, acide en bougeant sous le ventre tiède. C'était, autour de la nichée, la pénombre sèche d'un grenier, son silence sonore où craquait par instant le bois d'un chevron en travail, ou filait sur une raie de plancher le trot d'une souris maraudeuse. La mère chatte semblait ne point l'entendre. Elle continuait de lécher ses petits du même mouvement de coups monotones. Eux, déjà, leur tête sous la graisse. Une noire, une blanche, ces deux-ci plus hardis, plus avides de chaleur et de vie. Et tout à coup, plongeant dans l'épaisseur du poil, tâtonnant des pattes, du museau, il trouvait les tétines et goulûment se gorgeait de lait. Il n'y avait que cette tiédeur, ce poids flexible et doux qui continuait de se courber sur eux, et, dans leur amas vagissant, ces tâtonnements sans cesse répétés vers les mamelles nourricières. La nuit venait, une transparente nuit d'été qui s'assombrissait très lentement à la vitre carrée du châssis, et peu à peu, tandis que le grenier se comblait de ténèbres, redevenait plus clair contre la vitre, la traversait d'une blancheur bleue de lune. Parfois, la chatte, levant la tête, attachait ses prunelles à cette blancheur tranquille, la humait longuement de ses narines froncées, se tendait toutes vers de lointains appels. L'épaisse chaleur du jour stagnait, captive, sous le toit. La chatte retombait dans la moiteur du nid, mais ses yeux grands ouverts luisaient encore au cœur de l'ombre. Et le jour revenait avec le frais de l'aube, la flèche dansante d'un premier rayon et le torpide éclat sous les ardoises surchauffées d'un soleil de plein été. Il arrivait de loin en loin qu'un pas lourd fit trembler les lames du plancher. Une grande ombre passait le long des sacs alignés, soulevait l'un d'eux et s'éloignait, grandi encore de son fardeau. Et d'autres fois, vers le milieu du jour, cette ombre s'arrêtait tout près de la portée blottie, puis une autre et encore une autre, aussi haute, aussi opaque, dressée contre la lumière. Et ces ombres se penchaient jusqu'à toucher le creux de sac. Et d'étranges bêtes agiles et douces s'insinuaient parmi les chatons, caressant la nuque de la mère qui ronronnait sous leur frôlement. Elles s'écartaient enfin, dans le reflux doré du soleil. Il y avait alors, posée sur la pile de sac, une assiette pleine de pâté. La mère mangeait, le col tendu et les oreilles un peu couchées. Les ombres revenaient de plus en plus souvent. Et lorsqu'elles étaient là, une rumeur les environnait, non point de cris, de menaces ou d'appels, mais de voix rauques et rudes qui faisaient frissonner les échines. Et le toucher des agiles bêtes nues recommençait de couler dans le nid. On se sentait brusquement saisi, emporté, éperdu de détresse et de vertige. Les pattes écartelées, la queue raide, on piaulait désespérément. On entr'ouvrait des paupières blessées par le jour aveuglant sur des prunelles d'un bleu laiteux, aussitôt dérobées qu'entrevues. Les hommes, l'un après l'autre, soulevaient les chatons, les haussaient jusqu'à leur visage. Les voix montaient, plus brutales encore, avec des sonorités profondes dont le frisson, maintenant, traversait toute la chair. « Celui-ci ? Oh non, laisse-le. Comme il est drôle avec sa tache sur l'œil. Et ce petit, noireau comme un grillon ? Et ce blanc ? Est-il blanc, l'amour ? Alors lequel ? Je ne sais plus. » On était pris, déposé, repris. On se sentait en proie à une force terrible, à une menace sans recours. La mère, attentive et muette, ne quittait pas des yeux le mouvement des mains où pendaient des petits corps. Sa tête tournait au gré des puissants gestes des hommes, et vraiment elle avait un visage, hanté d'une angoisse implorante où demeurait, quand même, on ne savait quelle foi obscure. Deux chatons seulement, un noir, un blanc, se blottissaient à présent contre elle. Des vides froids, un moment, avaient comme élargi le nid. Mais le creux s'était tôt refermé sur la mer et les deux petits, aussi tièdes, aussi enveloppants. Et l'assiette était là tous les jours. Et les chatons jumeaux tétaient à longues lampées qui soulageaient les mamelles gonflées. Ce fut le noir qui vit clair en premier. Il soutenait déjà, sans cligner, la lumière du plein jour, que le blanc gémissait encore et plissait douloureusement le front quand son éclat le surprenait. Un matin, tous deux cherchèrent en vain la chaleur du corps maternel. Le chaton noir, debout au bord du creux de sac, tendit le cou, flaira, l'échine un peu tremblante. L'autre, geignant à son habitude et de détresse, tenait ses yeux ouverts. Le noir, sans un regard vers lui, s'avança davantage à l'extrême bord du nid abandonné. La toile lâche s'évasait, coulait dangereusement sous ses pattes. Il les raidit, crispa ses petites griffes juste au moment où elles cédaient. Tête en avant, il bascula, dégringola, se retint, reprit sa glissade cramponnée et se trouva piété sur l'immensité du plancher. La queue droite, il partit devant lui. C'était l'introduction avec la naissance de Roux et son départ dans la vie. C'est beau. C'est trop cool. C'est beau. Ça me donne envie de le lire de ouf. En plus, ça parle de chat, donc laisse tomber. Et c'est pas très long. Ça fait quoi ? Ça fait même pas 300 pages, 290 à peu près. Mais voilà, faut s'attendre à des passages un peu durs émotionnellement. Je préfère vous préparer. Ah bon ? Voilà. C'est pas un roman feel good, tu dirais ? Non, c'est vraiment... Ça, c'est assez complexe et profond sur tout ce qu'on peut ressentir quand on est confronté à la vie, alors que ça parle d'un chat, on est d'accord, mais il y a vraiment des choses qui peuvent être des sentiments universels, et notamment avec ce rapport à la liberté, c'est vraiment quelque chose de pas vraiment léger, même s'il y a des très très beaux moments où on a envie d'être un chat et d'en profiter autant que lui, mais il y a des choses très très lourdes aussi, et voilà. Après, on déprime pas quand on lit le livre, pas du tout. C'est juste que c'est très intense. Toujours équilibré, hein, bien sûr. Alors, c'est pas non plus feel good, mais on va pas se pendre à la fin. Non, mais il y a des passages durs, mais c'est normal. Ça rend tout. C'est la vie. Toute la beauté de la chose, quoi. C'est pas feel good, mais bon, tous les personnages qu'on préfère meurent. Voilà. C'est pas feel good, mais... Voilà, on connaît un peu le truc. Non, je ne spoilerai rien du tout, mais voilà. Et du coup, alors s'il y a certains humains qui apparaissent au cours du livre, ils sont vraiment très très secondaires et on reste sur Roux en permanence, ou Roux et qui rencontre d'autres chats, d'autres animaux, etc. Mais c'est vraiment du point de vue du chat. Il y a toute une vague en fait d'auteurs comme ça du 19e siècle qui vont écrire des romans qui sont du point de vue d'un animal. Alors, il y a Maurice Genevoix, il y a aussi Louis Pergaud, l'auteur de La Guerre des Boutons, qui a fait ça. Il a fait notamment toute une série de nouvelles qui parlent d'animaux. Il a fait un roman aussi sur un chien de chasse. Donc, il y a quand même de l'anthropomorphisme, mais toujours pour avoir des réflexions qui vont au-delà de la vie quotidienne d'un animal, quoi. C'est, quelque part, ça nous rappelle aussi que nous sommes des animaux comme les autres, même si nous avons un peu perdu de notre côté sauvage, mais qu'on peut retrouver des choses en parallèle. Miaou. C'est pour ça que, tu vois, ça se voit pas, mais j'ai mis des guillemets à sauvage. Miaou. Donc, j'avais envie de rendre hommage à Maurice Genevoix. Alors, il faut savoir que, du coup, quand j'en ai parlé un petit peu autour de moi, en fait, il n'est pas spécialement connu des jeunes générations, entre guillemets, mais en fait, les générations, on va dire, de nos parents, à peu près, il est un peu plus connu parce qu'a priori, il était beaucoup lu en lecture scolaire, en fait, dans les années 60, à peu près. Il était assez connu et moi, j'en avais jamais entendu parler avant de découvrir ceux de 14, justement, donc, quand j'étais à la librairie. Voilà. En tout cas, je n'en avais jamais entendu parler non plus, mais on ne sera pas surpris de l'apprendre. Voilà. N'ayant aucune culture littéraire. Pareil, parce que je suis très con. Mais pas du tout, non mais voilà, il y a tellement de livres qui ont été écrits dans l'histoire quand même, on ne peut pas tout connaître. Non, moi je lis Reddit sur mes chiottes, ça me suffit. Hein, c'est tout le truc, c'est que maintenant il y a tellement de médias, il y a tellement de médias différents aujourd'hui que... Et tous prennent du temps. Ah, c'était mieux avant. Alors après, en termes de temps, je pense que ça dépend aussi. Par exemple, si tu calcules le temps que moi je mets pour lire un livre et le temps que Fabien met pour lire un livre, on n'est pas du tout sur les mêmes chronologies. Non, mais évidemment. Mais se la pète. Ah non, mais c'est pas du tout me la péter. En plus, d'ailleurs, ça, c'est pas forcément très cool pour moi. Je crois que j'en avais déjà parlé quand on avait fait le débat sur la lecture. Mais je lis très très vite, mais c'est parce c'est que... Une malédiction. C'est une malédiction. Non, mais c'est vrai, c'est pénible parce que des fois, tu prends un truc qui fait 300 pages, tu dis merde, ça va me durer une journée, même pas quoi, parce que je vais lire en quelques heures, donc voilà. Ouais, une journée, ouais. 300 pages, une journée, évidemment. Alors, que moi, ça m'occupe des mois. Voilà, on est d'accord. Les livres, c'est très rentable. Je te comprends là-dessus aussi, parce que j'ai eu ma période Boris Vian au lycée, où je lisais beaucoup, beaucoup des romans et des nouvelles de Boris Vian. Ouais. Et petit à petit, sachant que je les enchaînais, parce qu'en plus, il a un style d'écriture très particulier, Boris Vian, il faut rentrer dedans. Puis en fait, plus je lisais, plus du coup tu vas ultra vite. Et sachant qu'en plus je comprenais ses métaphores ou je comprenais sa réflexion, tu lis beaucoup plus vite en fait. Alors en plus, quand l'auteur est décédé, tu peux pas te dire zut, tu peux pas te dire ouais, je vais avoir une suite ou un nouvel opus parce que ça n'est pas possible. Très bien. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour cette lecture, Lucie, et cette découverte de Roux. De Maurice Genevoix et non pas de Boris Vian, j'allais dire Boris Vian. Mais de rien, rien c'est à voir. Bisous. Voilà, big up Boris. Rien à voir avec celui qui fait chauffer les Bermudas. C'est ça, oui, voilà. Une chanson que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ouais. Voilà. Vous êtes sur Radio Vieux Con, Radio Vieux Con, la radio préférée de Bilal. Nous allons. qu'est-ce que tu nous proposes de découvrir également comme musique, Lucie, cette session? Alors, ah oui, ça y est, je me souviens. Parce que j'allais dire cette semaine, mais on fait pas des trucs réguliers. Donc, cette session, que nous proposes-tu? Alors, du coup, comme chanson cette semaine, j'ai décidé de proposer une chanson du groupe Paris Combo. La chanson s'appelle Señor, en espagnol. Enfin, juste le Señor est en espagnol. Et du coup, je sais pas pourquoi... aujourd'hui, j'ai eu des réminiscences de cette chanson. C'est un groupe qui fait de la chanson française, mais jazzy et un peu jazzy rétro. J'avais adoré leur album Living Room, qui avait eu pas mal de succès, je crois. En tout cas, qui passait à la radio assez souvent. Et du coup, je sais pas pourquoi, ça m'est revenu en tête aujourd'hui, et j'avais envie de le proposer. Alors, c'était le type de son que je connaissais par cœur. Donc, quand vous écouterez la chanson, vous imaginez dans ma chambre d'adolescente, avec moi qui chante, avec une brosse à cheveux dans la main, en gros. C'est un peu l'idée. Voilà. Très bien, mais dans ce cas, on va s'écouter Señor tout de suite. Un jour que j'étais dans mon antre, où l'on entre sans frapper, quelqu'un a pris l'escalier sur une petite idée de colimaçon. Il était maçon, il avait les mains tendres, et de quelle façon il m'a bien fait comprendre que de tout l'immeuble j'étais la voisine qu'il avait le plus envie d'aimer. Alors j'ai dit merci, merci beaucoup, mais voyez-vous, je viens d'emménager dans cet appartement où je vis seule tout simplement. Mais au même moment j'ai pensé. Tam ta badam ta badam ta badam badam tam ta badam ta badam ta badam badam tam. L'amour a frappé à ma porte. Ta badam badam tam ta badam ta badam ta badam badam tam. J'ai ouvert que le diable m'emporte. Tam ta badam ta badam ta badam badam tam ta badam ta badam ta badam badam tam. Tout mon squelette est ravi. Ta badam badam tam ta badam ta badam ta badam badam tam. Ça, je l'emporte au paradis. Oh, oh, oh, mais Seigneur, ah oui, oui, Seigneur, aïe, Seigneur. Et ça, mon Dieu, je l'emporte au paradis. Eh, Seigneur, il faut que je m'agace. Pour l'heure, il faut que je ressasse tous mes sentiments égarés. Je m'agace. Pour l'heure, il faut que je ressasse tout mon squelette en entier, mes plaies non suturées, en mon cœur isolé. Votre amour tombe à pic. Oh oui, mais moi je vais tomber de très haut. Si vous ne me laissez pas le temps tactique de me remettre en selle au galop. Mais au même moment, j'ai pensé. Tam ta badam ta badam ta badam badam tam ta badam ta badam ta badam badam tam. L'amour a frappé à ma porte. Ta badam badam tam ta badam ta badam ta badam badam tam. J'ai ouvert que le diable m'emporte. Tam ta badam ta badam ta badam badam tam ta badam ta badam ta badam badam tam. Tout mon squelette est ravi. Ta badam badam tam ta badam ta badam ta badam badam tam. Et ça, je l'emporte au paradis. Oh, mais Seigneur, oui, Seigneur. Et ça, mon vieux, je l'emporte au paradis. C'était donc Señor, et non pas Señor, carte vermeille, tout ça. On va à présent enchaîner directement avec un jeu que nous propose aujourd'hui Valentin. Eh oui, bonsoir à tous. Salut, ça va? Bonsoir. Ouais. Je chauffe le public là. Non, bon, plus sérieusement, je vais vous faire deviner des musiques avec mon sifflement. Voilà, j'ai enregistré des thèmes de musique, de jeux vidéo, de films, de séries, juste avec le thème principal sifflé. Voilà. Je sens que je vais être nul. Ah non, mais t'inquiète, je vais être pire que toi. Mais je suis tellement une brêle en musique. Je peux pas différencier deux musiques différentes. Et le but du coup va être de découvrir le plus rapidement possible le morceau. J'ai juste un petit conseil, pour Lucie. Dès que t'entends une musique, tu dis Zelda. Et voilà, ça t'auras au moins un point à un moment. Eh bien, nous allons commencer par la première. Bon, c'est une facile pour commencer. Harry Potter. Eh oui, c'est en effet Harry Potter. Voilà. John Williams, ça. John Williams, voilà, il n'y a pas de plan supplémentaire. C'est le truc avec Gandalf, là ? C'est ça, ouais. Gandalf et Obi-Wan Kenobi dans... Contre Saruman. Hein. Ouais, c'est Retour vers les sorciers, là, ce truc-là. C'est ça, ouais, c'est voilà. Ça. Exactement. Ça a fait un carton à la fin avec Iron Man et tout, c'était génial. Quand Superman, il revit comme ça, c'est trop vraiment fort. Personne ne l'a vu venir, surtout qu'il n'a jamais été introduit, Superman, en plus, dans l'univers d'Harry Potter, donc... Bah, c'est ça, c'est... Surprise totale, quoi. Incroyable. Et en fait, c'était le vif d'or, Superman, à la base. C'est pour ça qu'il va très très vite. C'était son petit berceau, tu vois, mais miniaturisé, que ses parents l'avaient mis dedans. Mais tout est lié. Incroyable, on enchaîne. Gourmet Race. Oui, c'est Gourmet Race et Kirby. Oui, tout à fait. Tac, on enchaîne, c'est parti. Jurassic Park. Oui, c'est ça, bien joué, Lucie. Ah, bien vu, bien vu. J'ai un peu bafouillé, mais c'était ça. Bilou. Trop déçu de pas l'avoir eu, moi. Je suis trop une merde. Mais non, mais c'est... Faut être rapide, et c'est trop dur, quoi, d'être rapide. Voilà, attention, on enchaîne. Zelda. Non. Ah, j'aurais tenté. Mais c'est Rabbi Jacob. Metal Gear. Pas du tout. C'est une série. En tout cas, tu siffles très bien, Valentin. Merci. C'est très fort de siffler et de parler en même temps. D'ailleurs, je suis très impressionné. Ouais, tout à fait. C'était une grande... C'est compliqué, quoi. Bah, il siffle pas avec sa bouche. Moi, j'aurais dit qu'il parlait pas avec sa bouche, mais... Non, tu vas trop loin, Fabien. C'est une série française. Ah oui, mais on est nul en série. 10%. Non. Le bureau des légendes. Mais tu devrais savoir, Milou. Il y a un film, normalement, qui devrait sortir cet été. Kaamelott. Oui. Oui, bon, d'accord. Mais non, Kaamelott, ça fait... Non, c'est le générique de la saison 5 de Kaamelott. Le thème qu'il a rajouté pour les saisons 5 et 6, que je trouve absolument fantastique. Oui, non, ça c'est pour les fans hardcore. Non, mais enfin, évidemment, au début, je voulais faire le troll, justement, en faisant juste les coups de trompette, mais je trouve que cette mélodie est beaucoup trop belle mais pour je suis ne sûr pas la mettre. T'aurais fait... J'aurais trouvé. Ah, bah oui! Ou t'aurais fait Cire, on en a gros! Et voilà, là j'aurais fait. Bah oui, évidemment. Vous nous utilisez bon gré mal gré pour arriver sur la fin. Allez! C'est pas faux. On enchaîne sur une autre série. Ça ressemble à moitié oui. À des trucs que je non, connais, non, mais... Attends. Witcher. Non. Je connais. Xena, la princesse guerrière, Xena. Pas du tout. Je suis sur le point de trouver, je l'ai sur le bout de la langue. Ah, mais c'est Derek, c'est quand il se passe rien, là. Une série anglaise. Il y a 4 saisons. Sherlock. Oui, Sherlock, bien joué. Sherlock, wow, tout à fait. J'ai tellement vrai, pas reconnu. Mais si. Si, si, si, si. Ouais. Le thème absolument correct. Trop bien. C'était vrai. Ouais, j'étais à 100 lieues. Hein. Waouh. Eh bien, nous allons enchaîner avec un autre morceau. Attention, c'est parti. Jump Up Superstar dans Super Mario Odyssey. Oui, tout à fait, bien vu. D'accord. Mais non, mais là, il y en a, d'accord, ouais. Il y en a qui sont plus orientés pour moi, en fait. Mais... Allez, on enchaîne sur le dernier, du coup, qui sera un film. Zelda. Le Seigneur des Anneaux. Ah, tu l'as doublé. Tout le monde l'avait plus ou moins. Non, c'est moi qui l'ai eu en premier. Donc Fabien n'aime pas perdre. Fabien... aime gagner. Fabien aime gagner. Ah là, je pense qu'au niveau des points, c'est Fabien qui est devant, mais je serai pour la prochaine fois. Je sais pas, j'ai pas compté. Lucie a donné pas mal de bonnes réponses. Le fesse-toi, genre, je ne sais pas, je n'ai pas compté personnellement. Je ne sais pas, je n'ai pas compté, et vous, voilà. Non, mais je pense qu'avec les trucs de jeux vidéo, je saurais que je vais essayer d'être plus ancré vers les musiques de films et de séries. Je prends note pour la prochaine fois. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu. Eh ben, c'était bien sympa. Bah, en fait, moi, j'aimerais bien un album de sifflement de Valentin, parce que c'est très beau, je trouve. C'est gentil. Encore une fois, je réitère, tu siffles vraiment très bien avec le petit trémolo. C'est le petit plus qui fait qu'on sent que tu maîtrises bien le sifflement. C'est dommage sifflement. Qu'il n'y ait plus de western spaghetti, du coup. Alors, sur ce, on va enchaîner avec ma chronique, déjà. Le prince du pitch, ah. Voilà, que j'avais envie de vous proposer aujourd'hui. C'est sur les brioches ? Eh bien, justement, il y a un petit jeu de mots, vous allez comprendre. L'idée, c'est que il y a des films, par exemple, qui vont sortir. Par exemple, les Star Wars. Bon, là, c'est plus le cas parce qu'on n'attend pas de Star Wars prochainement. on n'en peut plus, d'ailleurs. On n'en veut plus. Voilà. Touchons du bois. Hein. En tout cas, au moins une pause de 3-4 ans, ça ferait vraiment pas de mal. Oui. Donc. Quand un film va sortir et que c'est un film très attendu, ce qui est sympa, c'est d'en parler et d'essayer de réfléchir et d'imaginer qu'est-ce qui va se passer dans ce film. Star Wars notamment, c'est « Ah, mais qui est le père de Rey ? Quelles sont les origines de tel personnage ?» etc. Il y a eu ça pour les Avengers aussi. Qui a la pierre d'infinité manquante ? Est-ce que depuis le début, eh bien, finalement, tout le monde est un clone ou un extraterrestre venu d'une autre planète ? C'est grisant, c'est ces trucs qu'on aime bien faire quand on est geek et qu'on a la flemme de faire des fanfictions et qu'on préfère lancer des théories sur Reddit pour qu'elles soient massivement partagées. Et aujourd'hui, je vous propose donc le prince du pitch, puisque je lance le défi de vous pitcher le scénario du futur film Super Mario qui devrait sortir en 2022, donc dans 2 ans actuellement. Et ce qui est très drôle, c'est d'imaginer à l'avance où le film va aller, qu'est-ce qu'il va raconter, et dans 2 ans, bien sûr, de déterrer cette chronique et de la réécouter et de se dire « ça a bien vieilli » ou pas, voilà. Alors, une chronique que je lance, et bien sûr, je vous offre la possibilité, si vous avez un film qui arrive et si vous avez des attentes et des idées de scénario, vous pouvez reprendre le prince du pitch ou la princesse du pitch pour Lucie, ce qui rendra la blague encore plus pertinente. Et le concept, hein, c'est que je vous présente ce qui sera, selon moi, le scénario de ce fameux prochain film Mario. C'est un scénario que j'ai élaboré, qui est même d'ailleurs pratiquement l'inverse de ce que j'aimerais voir au cinéma. Ça, c'est important que je le dise. Mais j'ai retourné, on va dire, le problème dans tous les sens. Et actuellement, je vois pas qu'est-ce que ça pourrait être d'autre comme scénario. C'est assez délicat, je trouve. On est sur un personnage, une saga de jeu où l'histoire est pas si importante que ça. Exactement. C'est, ouais. Voilà, c'est le level design, etc. Et c'est l'histoire, mais complètement en dernier, en fait. Du coup, ce scénario, je l'ai vraiment mis au point en observant plusieurs choses. Donc, d'une part, ce qui se fait chez la concurrence, et donc à savoir le fait que les producteurs de cinéma aujourd'hui sont hyper frileux et ne veulent absolument prendre aucun risque avec leur licence, parce que le but, c'est d'enchaîner des films moyens qui fâchent personne, et d'avoir suffisamment de fanservice pour qu'il y ait une moyenne pas trop dégueulasse sur Rotten Tomatoes, quoi. Et je pense que le film Sonic est un excellent exemple, ouais. Sorti récemment, c'est un film qui prend pas trop de risques, qui essaye de caresser tout le monde dans le sens du poil, ce qui fait qu'il s'en est plutôt bien sorti, alors que certains estiment qu'il n'a pas pris de risques et qu'il n'était pas très original, quoi. Bah, c'est complètement ça, c'est genre on prend l'univers de Sonic et puis on le fait pour que ça rentre dans le moule des films américains, good feeling, alors que justement je suis un fan de Sonic de la première heure, avec je suis pas du première heure du style Sega Mega Drive etc. Moi j'ai connu Sonic grâce à la Dreamcast et donc au Sonic Adventure, c'est-à-dire là où il y avait commencé à avoir des grosses histoires et des machins avec la série animée notamment Sonic X. Et c'est dommage parce que je sais que c'est très contradictoire parce qu'il y a plein de gens qui aiment pas du tout les Shitty Friends de Sonic et tout. Mais j'aurais bien aimé voir cet univers en avant parce que c'était bizarrement le seul truc de l'univers Sonic qui a été plus ou moins développé quoi, par Sega. C'est lequel Sonic X ? C'est celui où il était dans l'espace et il revenait sur Terre avec trois autres hérissons de couleurs différentes ou je sais plus quoi là ? T'as, en gros, ouais, t'as Robotnik qui avait créé un truc pour détruire une partie de la Lune. Enfin bref, c'était tout un bazar. Mais c'est mon enfance, donc c'est ça. C'est pour ça aussi que c'était là mes attentes au film alors que je savais pertinemment que ça allait pas être ça. Mm. Bah, tu devais penser peut-être à Sonic le Rebelle, je pense. Oui, c'est ça. Ouais. Sonic le Rebelle. Oui. Ah oui, non, pas du tout. Ouais. C'est la deuxième série, je crois, Sonic, enfin, ou troisième si tu comptes. Bon, c'est très compliqué, on va pas s'éterniser sur les... Oui, on va pas, voilà. Ouais. Sinon, vous regardez la vidéo du MEA, et puis ah oui, voilà. Alors on vous conseille de regarder, du coup, si vous voulez en apprendre plus sur les différentes adaptations de Sonic, il y a une excellente vidéo de Mr. MEA. Ah oui. D'accord, mais je vais mettre ça de côté de suite. Qui est absolument parfaite et qui m'a appris plein de trucs, parce que j'étais persuadé de certaines choses sur les adaptations de Sonic en série, et c'était tout faux dans ma tête, en fait, c'était pas du tout dans cet ordre-là. Mais bref, je vous conseille de regarder cette vidéo qu'il a sortie il y a pas si longtemps, elle est vraiment... Ouais, un mois, en effet. Avec une petite chronique rapide, très rapide sur le film qu'il a plutôt bien aimé du coup parce que voilà, c'est un film comme je disais. Il n'a pas de goût. Alors prenons des pincettes. C'est un film où il y a beaucoup de bonnes choses et qui rend heureux mm-hmm. les gens qui ont envie de voir des choses plaisantes. Voilà. Et c'est un droit, je respecte ça. Donc, et je respecte ça. On sent la tête dégoûtée pendant que tu dis ça. Non, c'est de la radio, tu peux pas lire ça sur mon visage, c'est pas possible. Alors, avant de commencer de vous le raconter, mon scénario, je vais très brièvement rappeler tout ce qu'on sait actuellement, concrètement, sur ce film Super Mario, parce que c'est déterminant, évidemment, pour mes choix scénaristiques, et vous allez voir qu'on sait effectivement pas grand-chose. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'il est prévu pour 2022, qui sera réalisé par le studio Illumination Entertainment, à qui on doit la trilogie Moi, Moche et Méchant, ou les Minions, et des trucs genre... Le Grinch. Le Grinch, comme des bêtes. Comme des bêtes. Comme des bêtes. Comme des bêtes. La version québécoise, bien sûr. comme des bêtes. Et c'est finalement... c'est en fait tout ce qu'on sait finalement sur le film à l'heure actuelle. Oui, j'oubliais également, on sait que Shigeru Miyamoto, le créateur donc de Mario, est investi un minimum dans le projet. Et qu'en gros, il va donner son aval quant au respect de la représentation de son personnage qu'il a créé. C'était pas le cas sur le premier film Mario, puisque évidemment, je le rappelle, c'est pas le premier film Mario qui va être amené à l'écran. Il y en a déjà eu un dans les années 90, en prise de vue réelle. On va pas en parler. C'est même le troisième, parce qu'il y a un film japonais d'animation qui a été fait à la fin des années 80. D'accord. Qui, pour le coup, est beaucoup moins connu parce qu'il n'a pas eu de VF, même, je crois qu'il n'a même pas été traduit en anglais. Donc si vous le trouvez sur internet, vous le trouverez en japonais. Et là, c'est concrètement l'univers du Super Mario. C'est Mario et Luigi qui débarquent au Royaume Champignon, la princesse se fait enlever, c'est tout ce que vous attendez d'un, entre guillemets, d'un film Mario. C'est pas des trucs tordus et bizarres comme dans le film des années 90 qui faisait en fait un gros mélange de films d'action de cette époque, voire même de fin 80. C'était un film un peu en retard sur son époque, mais voilà, le film Mario, c'est avec des punks et tout, c'est complètement bizarre. Oui. Je vous invite à le voir si vous l'avez jamais vu, cela dit, parce que c'est un ce que j'appelle un bel accident cinématographique, un magnifique accident cinématographique. Donc voilà, une quasi page blanche, comme je vous le dis, et c'est ce qui me permet aussi, voilà, de vous proposer ce scénario là et donc bah commençons, hein. Allez, on est dans la salle de cinéma, ça sent bon le pop-corn chaud, vous entendez des gens qui chuchotent en arrière-plan dans les rangs derrière, voilà. Vos gueules là-haut. Les lumières s'éteignent, démarrage du film. Donc écran noir, apparition des logos, Nintendo, Illumination Entertainment, écran noir à nouveau, et paf, ambiance, de lave en fusion, de vapeur volcanique, là on entend une voix féminine lointaine qui appelle... Donc c'est littéralement le premier mot du film, Mario. Là on découvre que c'est la princesse Peach qui est enfermée dans une petite cage dorée et qui tend désespérément le bras en direction de la caméra. Là on dézoome, on se rend compte qu'on est dans le château de l'infâme Bowser, effectivement l'antagoniste qui vit dans un château tout chaud, plein de lave et de feu, et qui se tient à côté de sa prisonnière. L'antagoniste se met à rire, voilà, en bredouillant éventuellement quelques mots pour narguer un personnage en arrière-plan. Mais qui est ce mystérieux personnage en arrière-plan ? Donc contre-champ, et là on découvre notre fameux héros Mario qui débarque avec un saut vertigineux en faisant un super-héros landing. Là vous voyez la pire scène d'action avec la caméra qui tourne dans tous les sens. genoux posés au sol, le regard vers le bas, puis il lève sa tête lentement, là, gros plan sur ses yeux, plein de détermination. Je précise que je suis en train de vous détailler très précisément cette scène d'intro. Je vais pas faire ça pour tout le film. Moi, j'étais parti pour 1h30. J'ai pas tout fait. C'est-à-dire que là, c'est le début, c'est important, mais après, je vous fais un synopsis. Tu sais, il a bien estimé, globalement. Lucie, fais ta chronique assez courte et tout. Ne vous inquiétez pas, ça s'accélère par la suite. Donc là, on a Bowser en train de narguer notre plombier à base de « tu n'arriveras jamais à me battre, la princesse est à moi ». Bon, des trucs hyper clichés, voilà, on s'en fout des dialogues. Bref, grosse scène d'action, Mario qui saute partout, qui esquive des boules de feu, des pièges mortels, des sbires du roi Koopa qui balancent des marteaux, des boulets de canon, etc. Et jusqu'à ce que finalement, alors que Mario commençait à prendre l'avantage et qui s'apprêtait à faire tomber Bowser dans la lave en coupant la chaîne qui retient le fameux pont suspendu. Et donc à ce moment-là où on croit qu'il va gagner, là il y a un frère marteau qui lance un projectile sur notre héros moustachu. Slow motion dramatique, Mario est projeté en arrière et va tomber dans le magma en fusion. La princesse Peach est au désespoir, Bowser éclate d'un rire machiavélique, gros plan sur le regard désarmé de Mario qui tombe inéluctablement vers son funeste destin. Tout semble perdu et là, soudain, dézoom sur un écran de télévision cathodique et on voit un petit Mario en pixel art qui tombe dans la lave et la petite musique chiptune qui retentit avec le mot Game Over qui apparaît à l'écran. Gros twist, toute la scène qu'on vient de voir se dérouler. C'est un film de Night Shyamalan en fait. Voilà. Mario par Night Shyamalan. Ah, l'horreur. Et là, je présente donc un univers un peu à la manière de ce que Disney avait fait dans Les Mondes de Ralph. Je pense que vous voyez très bien. C'est un film qui racontait justement déjà l'histoire de personnages de jeux vidéo qui vivaient dans des bornes d'arcade. Et si dans la télévision, sur l'écran, on voyait des petits personnages en pixels, derrière le filtre, il y avait un univers hyper détaillé avec un rendu graphique très impressionnant en 3D. Tout à fait. Oui. Donc là, on est sur une télé. Cette télé, elle est dans une chambre. Donc on découvre un gamin qui est en train de jouer à la console, une dizaine d'années, voilà, il est devant sa NES dans sa chambre, assis par terre, au pied de son lit. On devine qu'il fait nuit, on peut voir une horloge digitale qui indique 22h30 par exemple. Et le gamin qui commence à hurler « Oh non, j'y étais presque !» qui jette la manette par terre, quoi. Là, t'as la porte qui s'ouvre, la mère qui fait « Oh, dis donc, bon, il est tard, faut que t'éteignes la console, tout ça. » Et le gamin qui va dans son lit en ronchonnant « Oh là là, mais de toute façon, j'y arriverai, je deviendrai super fort et je la sauverai, la princesse, etc. » Donc on est là dans le monde réel. Putain. Comme vous avez compris. Oh putain. C'est horrible. Et là, on est tous déjà dégoûtés. Mais je rappelle, c'est ce que nous allons avoir, les amis. Oh, putain. Non, mais ouais, mais oui. Alors, mais... quelques précisions. Ce monde réel, en fait, il n'est pas avec de vrais acteurs. Là, je le précise. Il faut penser à des films comme Vice Versa, où il y a des humains, mais c'est des humains, ils sont en image de synthèse, quoi. Hein, typiquement, visualiser le gamin, c'est comme les gamins qu'on voit dans Vice Versa, les parents, pareil. Là, on a le gamin, comme je disais, qui a éteint sa console, qui va dans son lit, qui met la couette sur son visage et qui dit « Un jour, je libérerai la princesse Peach, machin ». Et là, lumière du jour, la couette se retire et on découvre qu'en fait, il est devenu adulte. Bon dans le temps. C'est tout ce qu'on veut pas, putain de merde. J'ai la nausée. Mais de ouf, quoi, putain, c'est un truc de malade. T'arrives à nous rendre énervés sans qu'on voit le film. C'est incroyable. C'est ça. Alors, nous sommes 30 ans plus tard, donc le petit Kevin, je vais l'appeler Kevin évidemment, est devenu adulte, il a une moustache de papa, donc il se réveille dans... il est marié, il a une femme, et il a... Avec qui il a plus de vie sexuelle, parce que c'est un homme marié. Alors non, ça ce serait pas un film, ce sera sous-entendu peut-être. c'est la blague pour les papas et les mamans, mais les enfants ils verront pas ça, ils comprendront pas... On verra des petits indices, bon, peut-être. Bref, il se lève le matin, donc il est fatigué, voilà. Il va prendre le petit déjeuner, il tire la tronche, il a des cernes sous les yeux parce qu'il a travaillé tard la veille. Il a une fille, donc pareil, visualisée, mais typiquement la famille dans Vice Versa de Pixar. Vous avez le père avec la moustache, la mère, la fille. D'ailleurs, je vais appeler la fille Riley, complètement en référence au personnage de Vice Versa qui s'appelle Riley. garder ses personnages en tête physiquement, quoi. Donc voilà, je disais, Kevin, il sort du lit, on le découvre dans une grande maison type banlieue américaine avec sa femme, sa fille, son chien. Scène de petit déjeuner, voilà, le quotidien. Ensuite, il va partir au boulot. Un boulot chiant, bien sûr. Alors là, pareil, visualiser. Je vais faire beaucoup de références à des trucs qui existent déjà parce que c'est le but, hein, quand on est producteur et frileux, on se base sur tout ce qui existe déjà, bien sûr. Bah, oui. Donc là, les Indestructibles. Si vous voyez le père dans Les Indestructibles, dans son boulot de merde, devant un ordi, on ne sait pas ce qu'il fait, c'est dans les assurances, je crois. Voilà, il a une famille, il est content, mais bon, le boulot, c'est pas ça, quoi. Pourquoi j'introduis ces personnages-là ? C'est parce que dans mon film Mario, le héros ne sera pas Mario, en fait. Mario va même être un personnage complètement secondaire, et on va se concentrer sur ce personnage et sa fille, le père et sa fille, qui, vous l'avez déjà deviné, mais vont en fait être envoyés dans le monde de Super Mario et vont finalement être confrontés à l'univers et aux antagonistes de Super Mario, mais on ne verra pas Mario, ou en tout cas très peu. Pourquoi ? Parce que bah, Mario, mine de rien, c'est un personnage on n'est pas habitué à le voir parler. Je pense vraiment qu'ils vont être hyper à cheval sur respecter le personnage, ne pas le mettre dans des situations délicates où on pourrait se moquer de lui. J'en ai parlé à d'autres gens qui m'ont dit « Ouais, mais Illumination Entertainment, ils ont fait les Minions, ils ont fait Moi Moche et Méchant. On va se moquer de lui parce qu'il est gros, parce qu'il a un accent italien, il va aller manger des pizzas dans une pizzeria. » Je pense que ça va pas du tout être le cas. Non, ouais, clairement. Mais malheureusement, t'es tellement dans le juste, en fait. Ça me ferait encore plus bader, finalement, que ce soit ça, que ce que je suis en train de vous raconter. Non, mais... je pense pas que ce soit en mode « On se moque de Mario » et tout. De ses origines italiennes, du fait qu'il soit gros. Non, tout. Mais voilà, clairement, je pense pas que ça aille dans le sens là. C'est pour ça que malheureusement, pour l'instant, ton scénario, enfin, oui, si c'est complètement frileux. Par contre, on n'est pas loin d'une petite vanne en mode il arrive pas à rentrer dans le tuyau, ce genre de truc, tu vois. Ah oui, Luigi, tu peux me pousser un peu fort pour que ça rentre, et puis hop, il le pousse et ça fait un bruit de pop. Tu vois, quand il rentre dans le tuyau. Tu vois, même ça, c'est beaucoup trop, je trouve. Je suis d'accord que c'est beaucoup. Ça me ferait mal au cœur, mais... Mais je pense, vous allez voir, j'ai casé une blague en dessous de la ceinture à un moment, une sorte de blague de paix, mais parce qu'il y en aura, je pense qu'il y en aura... Les paix ne sont pas toujours en dessous de la ceinture. Ah bon ? Ah bon ? Alors ça, par contre, faut que tu montres comment tu fais. Faut que tu nous en parles, Lucie. On sait déjà que Valentin arrive à siffler avec son cul, mais alors là, voilà. Péter sans son cul, c'est un autre niveau. On veut savoir. On t'écoute, Lucille. Allez. Le monde t'écoute. Tu lui fais une petite chanson. Allez. Mais non, je veux dire, c'est volatile. Tu vérifies bien. Fabien, le fait pas avec ses fesses. Hein. Allez, vas-y. Bah écoute, je mènerai l'enquête. Et au prochain podcast, on en parlera. Je suis sûr que tout le monde a compris ce que je voulais dire. La réponse, non, moi j'ai pas compris ce que tu voulais non plus. Dire. Non plus. C'est pour ça. Si, moi j'ai compris. Bon bref, tout ça pour dire que je caserai une blague de paix en dessous de la ceinture après, parce qu'il y en aura forcément, mais je pense vraiment pas que Nintendo va laisser Illumination Entertainment faire une blague où Mario il a un peu de poids, tout ça. Je pense que c'est pas possible. On sait, il y a déjà eu le personnage en fait de Bowser qui était présent dans Les Mondes de Ralph, par exemple. Ah putain, je me souviens pas de ça. Si, on le voit vite fait. Il y a une réunion de méchants, en fait. D'accord. Et il y a Zangief de Street Fighter. Ah oui, y a, ok. Je me souviens pas qu'il y avait Bowser. Ils boivent un café et le producteur Clark Spencer du film Les Mondes de Ralph avait déclaré que Nintendo avait été hyper chiant sur la manière dont ils devaient utiliser leur personnage, et notamment Bowser qui tenait un petit gobelet de café. Ils ont dû refaire... la scène plusieurs fois pour que Bowser tienne le café comme il faut, comme Nintendo voulait qu'il le tienne, parce qu'apparemment il peut pas boire son café n'importe comment. Et alors figure-toi que sur Pokémon le film, c'était pareil, genre c'est The Pokémon Company qui leur donnait conseil, etc. Et par exemple pour Exelang, ouais, qui est un des Pokémon du début, ils ont cassé les burnes des réalisateurs en disant non, il faut que ce soit cette texture-là de peau, parce que Exelang c'est pas une peau, c'est des poils minuscules sur le dessus. Ah ouais. Non, vraiment, ouais. Ah, j'aurais pas cru, parce que les Pokémon ont justement beaucoup trop de poils, je trouve, d'ailleurs, dans ce film. Tu l'as vu, Bilou, le film Détective Pikachu? Oui, ouais, tu l'as dit que tu l'avais bien aimé. Ouais, j'avais bien aimé. Ouais, il est cool, hein. Je m'attendais pas à un bon film du tout. Et franchement, j'ai passé un très bon moment devant. Ah ouais, non, c'est clair. Je suis d'accord avec toi. C'est un. Enfin, c'est surtout qu'en fait, l'univers Pokémon marche. Ouais. On l'a vu récemment avec Lucie, qui... j'ai dû mettre la barre trop haut, mais. Ouais, c'est pas du Maurice Genevoix. Non, mais j'aime pas du tout les textures des Pokémon. C'est quoi, ah ouais, ils sont trop fluffy, je trouve. D'accord. Bah, je comprends, c'est une direction artistique, je trouve. En fait, moi, si tu veux, je suis parti en... c'est une direction artistique de l'avoir fait comme ça. Mm-hmm. Tu peux, après, quand t'as grandi avec Pokémon et tout, l'idée de les voir comme ça, c'est juste dingue, quoi, aussi. Donc, Mais il y en a qui sont parfaits, je trouve. Bulbizarre, par exemple, Bulbizarre est parfait. Oh, mais vous allez vous calmer avec vos Bulbizarres. Mais Team Bulbizarre, c'est le meilleur. Non, mais je suis d'accord. Ils ont des têtes un peu cheloues pour la plupart. Ectoplasma fout vraiment les boules, par exemple. Ouais, mais Monsieur Mime est parfait aussi. Monsieur Mime fout un peu les boules. Ouais, aussi. Mais non, c'est par exemple Rondoudou. Rondoudou, il a des poils hyper longs comme un chat angora. Ouais, puis je voyais pas ça comme ça, moi. Il y a la texture de Bill Nighy aussi qui est vraiment bizarre, quoi. Tu veux dire avec les tentacules, ouais, et tout. Là, en pieuvre, il est pas mal, ouais. Il est finalement plus réaliste dans Pirates des Caraïbes que dans Détective Pikachu, quoi. Bref. Parenthèse fermée sur. Oui, parce qu'il en a à peu près encore pour 2h30. Mais oui. Donc, comme je disais, on a nos fameux. J'enchaîne, hein, on a nos fameux personnages principaux qui sont donc le père et sa fille. Parce que, évidemment, le but, ça va être de montrer le quotidien de Kevin devenant adulte, qui ne joue pratiquement plus, qui passe sa vie à travailler dans son open space avec son patron nul. Et sa fille, par exemple, elle joue à la Switch chez elle, parce que bon, on va faire du placement de produits quand même. Évidemment. C'est un film Nintendo, faut qu'on montre un peu les consoles. Elle aura une Switch mini d'ailleurs, hein, parce que d'ici 2 ans, je sais pas ce qu'ils sortiront, qu'ils mettront. La Pro peut-être, on sait pas. Voilà. On verra, voilà. Donc elle joue à des trucs genre Animal Crossing, Pokémon, des trucs qui parlent à tout le monde, hein, vous voyez. Mais le père, alors, du coup, le Kevin devenu adulte va lui dire, oui, du nom, tu joues un peu trop, c'est pas sérieux, dans la vie, faut pas s'amuser tout le temps, éteins-moi cette console, quoi. Hein, donc, parce qu'il est devenu un papa. Voilà. Et donc, bon, à partir de là, vous vous dites comment on raccroche les wagons avec Super Mario. D'ailleurs, je vous le demande finalement, est-ce que vous avez une piste là? Est-ce que vous savez, enfin, j'ai un peu vendu la mèche, mais comment ça va se relier avec le jeu vidéo Super Mario? Alors, il y a deux possibilités. Soit le Kevin retrouve sa vieille console dans le grenier et va la brancher pour montrer à sa fille, et que sa fille se fait aspirer dedans et l'aventure, tout ce qui s'ensuit. Ou alors, petite autre placement de produit, la fille joue au jeu rétro sur sa Switch et se fait aspirer dans sa Switch. Voilà, je sais pas. Vous voulez faire une Jumanji 2, quoi. Et voilà. Et donc maintenant, eh ben c'est Jumanji 2. D'accord. Donc, ça... Parce que ça a bien marché, donc ben voilà, là, alors, au millimètre, le grenier, la vieille console, la gamine, oh c'est quoi papa, oh ben je jouais à ça, voilà, quand j'étais petit, machin, ah on la branche, machin. Alors là tu fais une blague, ils ont pas la bonne prise parce qu'ils ont une télé écran plate. Ah, et donc ils ont pas de Péritel. Et une écran plate, tu vois. Donc il y a pas la prise Péritel. Écran plate. Et sauf que pourquoi ils ont cherché dans le grenier, cette payoff, il y a un vide-grenier justement dans le quartier à ce moment-là. Trop bien. Donc ils étaient en train de faire les cartons du grenier. Et comme il y a pas de vieille télé, eh ben ils vont chercher une vieille télé dans les stands de leur quartier, et ils cherchent une vieille télé, et là ils tombent sur un stand avec une vieille télé parfaite, tu vois, genre 4 tiers, cathodique, bien large comme il faut. oui, très bien. Il y avait le geste avec, pardon. Il y avait un geste avec, voilà. Tu veux voir ma télé cathodique? Bien large. Et là, le stand est tenu par un vieil homme avec une barbiche un peu longue, peut-être typé asiatique, du genre à vendre des Mogwai dans une boutique chinoise, dans un film Les Gremlins, par exemple, vous voyez, qui fait « Ah oui, cette télé, oui, les couleurs sont tellement bien, l'écran est tellement bien, ça va vous donner une toute nouvelle vision de ce jeu vidéo. Ah ouais, hein, d'accord, ok, bon, peut-être. » Donc il achète la télé, qui est magique, hein, visiblement. Il la branche. Quand il la branche, petit éclair d'ailleurs discret, genre des petites décharges électriques. Baisse de tension dans la maison, t'as toutes les lumières qui clignotent un tout petit coup. Voilà, pour que quand même ce soit un peu magique et tout. Il commence à lancer la machine avec Super Mario, la cartouche dans la console. Et là, paf, Jumanji 2, ils sont aspirés dans la console ou dans la télé. Est-ce que comme dans Jumanji 2, est-ce que du coup Kevin retrouve c'est le rôle de la princesse et la fille dans le rôle de Mario? Putain, pitié, non. Est-ce que Todd, c'est Danny DeVito? Eh bien, dans mon film, oui, mais comme nous n'aurons pas ce que l'on veut, nous n'aurons pas Danny DeVito. Oh non. Oh non, putain, un Todd dans The Rock. Ah non, mais j'adorerais, mais c'est non. Parce que ce serait juste ce qu'on veut et on n'aura pas ce qu'on veut. On n'aura pas ce qu'on veut. Le père et la fille arrivent au royaume champignon, un endroit fabuleux et rayonnant, plein de vertes prairies, de blocs volants et autres tuyaux qui arborent un paysage tout joyeux où les collines ont des yeux. Après 2-3 répliques en gros qui tournent autour de l'inévitable thématique « Oh mais c'est pas possible, mais j'y crois pas, on est en train de rêver, pince-moi !» C'est le moment idéal pour une scène où le père va tenter de sauter sur un bloc. Tu vois, un bloc qui vole, et puis il va se faire mal à la tête, parce que, bah du coup, oui, Mario, il saute sur les blocs, et ça fait mal, en fait, il va dire, oh là là, ça fait mal, puis sa fille qui fait, mais papa, mais Mario, il frappe pas les blocs avec sa tête, il frappe avec son poing, vous savez, donc cette blague qui traîne depuis 20 ans sur Internet, et on n'en peut plus, en fait, là, on va la voir. En gros, ça va être clin d'œil le film, ton truc. Ouais, c'est complètement mais ça. Mais il y aura tout, genre le père, avant, il va souffler dans la cartouche pour la mettre dans la console, tu vois, il faut jouer sur la nostalgie. Non, la nostalgie. Pardon. Oh, excusez-moi. C'est pas un court-métrage de Cyprien, ton film, là? Mais ça va complètement être ça, mais si. Clairement, Nintendo va jouer sur la nostalgie. Il va y avoir un aspect générationnel, il va y avoir un aspect transmission d'un héritage. Tu vois, aujourd'hui, les parents qui ont joué, qui étaient enfants avant, sont parents, et ça se transmet de génération en génération, de jouer à maintenant Mario, tu vois. Il faut montrer qu'ils sont présents depuis longtemps, Nintendo, et que ça fait partie d'un héritage culturel. Je pense que le film va être vachement orienté là-dessus, en fait. Ah oh ouais. Donc du coup, voilà, ils sont dans le royaume champignon, comme je disais. Et après quelques scènes où ils découvrent l'univers, et où on aura le fameux aussi faut pas mourir dans le jeu vidéo, sinon on meurt dans la vraie vie, hein, comme dans la Matrice, forcément. Bon, à partir de là, je la fais très courte, mais il y a un Toad qui va les voir, qui leur explique que la princesse Peach a été enlevée, mais Mario aussi, en fait. Et donc d'ailleurs ils vont pouvoir faire la blague en VO « Mario is missing !» Comme ça fera une référence à ce jeu vidéo éducatif de merde sorti dans les années 90, pareil. Exactement. Mario n'est plus dans les parages, et pareil, je vous le donne en mille, on ne parlera pas de Luigi dans ce film. Luigi n'existe pas, il est parti à l'aventure dans son coin, on sait pas, on n'aborde pas Luigi. Mais il est en train de passer le casting pour Ghostbusters là actuellement. Voilà, exactement. Donc le père essaye de... Le père, en fait, on lui demande d'aller sauver finalement Mario et la princesse Peach. On sait pas où ils sont, voilà, ils ont disparu. Bon, aussi, évidemment, il va d'abord dire à sa fille, reste avec les Toad, je pars, parce que je suis un bonhomme, tu vois, donc je vais, moi, le père, résoudre les problèmes, sauf que sa fille réussit à le rejoindre, à d'autres Yoshi, par exemple, admettons qu'elle rencontre un Yoshi, qu'elle arrive à le suivre après qu'il soit parti tout seul, en mode c'est trop dangereux. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais je pense qu'on pourrait rajouter le chien, peut-être le chien pourrait aussi être téléporté dans le jeu. Ouais, pour le comic relief. Ouais. Voilà, ça pourrait faire une scène rigolote où t'as Yoshi et le chien qui se rencontrent et puis qui se reniflent le cul, par exemple, et ça, ce serait notre fameuse blague de paix, finalement, voilà, en pour de la ceinture. Faire rire les tout-petits-enfants. Celle-là, j'y crois un peu, voilà. Je pense que ce sera le plus graveleux qu'on puisse avoir dans ce film. Donc, ils vont, finalement, au château de Bowser, parce que c'est la première piste, hein, c'est de se dire, bon, bah, c'est forcément Bowser qui est dans le coup. Ils arrivent sur place, re-scène d'action qui ressemble vachement à ce qu'a vécu Kevin quand il était jeune, dans sa tête, là, quand il a vu... Mario débarquer et affronter Bowser. Sauf que finalement, Bowser n'y est pour rien. Et il y a, admettons, je sais pas, Kamek, le sorcier, qui débarque et qui dit « Oui, Bowser n'y est pour rien. » Parce que pareil, Bowser va pas trop parler. Hein. Il faut pas faire parler les personnages centraux. Il faut faire parler les sbires, les personnages secondaires, les Toads, tout ça. Et donc, il leur dit « Non, non, Mario et la princesse Peach ont été kidnappés par un nouveau méchant. » Alors, ce nouveau méchant, je vais vous le présenter sous le nom du comte Nyark. Et c'est une référence à un personnage qui est dans Super Paper Mario. Parce qu'il faut pas créer, il faut tout recycler. Donc, c'est un vilain qui, dans ce jeu, a pour trait de caractère très original de détester le bonheur. Et ça va beaucoup nous servir, en fait, pour les besoins de ce film. Donc ce comte Nyark là, c'est pas forcément le même personnage que dans le jeu, mais ce qui compte c'est que ce soit un homme en costume, avec un monocle et puis un grand chapeau haute forme, qui a la tête d'un royaume sinistre, sous la forme d'une mégalopole urbaine, toute grise et monotone, voilà, un monde qui servira de miroir à la vraie vie du père de la famille, un gros antagoniste qui va se retrouver à dire des trucs du genre « Ah, je déteste la joie et le bonheur, je veux faire du monde un endroit sérieux, sans jeu puéril, je veux la mort du fun, c'est pour ça que j'ai enlevé la princesse ridicule et cet homme à tout faire, ce misérable petit bonhomme qui se dit plombier mais qui passe son temps à faire du tennis et du golf, est-ce que quelqu'un l'a déjà vu réparer un tuyau, bordel ?» Ah putain, mais non, mais tu m'emmerdes. Je la vois tellement cette blague, est-ce qu'il a déjà fait un tuyau, hein? Putain. Et donc plus tard dans le film, vers la fin, évidemment, ils vont découvrir ce méchant, son univers gris et machin. Tu vas voir le père en face de lui, le fameux comte Nyark, et il va lui sortir un monologue mégalo du style « Nous ne sommes pas si différents, toi et moi. Rejoins-moi et œuvrons pour construire un monde sérieux sans ces mièvreries colorées du royaume champignon. Il faut arrêter de rêver comme un enfant sans ambition. Bah, » des conneries, machin, comme ça, tu vois. Et là, je vous reporte directement à la grande aventure Lego. Vous avez complètement ce fameux personnage du le président business. Tout à fait. Bon, spoiler alerte, mais bon, c'est déjà sorti il y a un petit moment. Vous savez, le président business qui est une métaphore du père, du gamin qui joue avec les Lego et qui veut tout coller. Voilà, genre, les Lego, c'est pas pour l'imagination, c'est pas pour le fun, c'est juste pour faire ce qui est sur la boîte. Faut pas déconner avec ça. Il veut mettre de la colle partout pour que ce soit sérieux, droit, construit, etc. Donc globalement, et sans entrer dans les détails encore une fois, on va avoir une scène finale de combat où la fille va sauver son père qui aura été un peu endoctriné par la philosophie du comte Nyark qui veut détruire le bonheur et tout. Et puis évidemment, il va comprendre que dans la vie, bah parfois, bah faut travailler, mais faut aussi s'amuser de temps en temps. Hein. Voilà une leçon que nous a appris Steven Spielberg dans son chef-d'œuvre de condescendance qui est Ready Player One, par exemple, qui nous apprenait que oui, on peut jouer... mais juste le jeudi et le vendredi. Et puis, le reste de la semaine, il faut faire des trucs sérieux quand même. Faut pas jouer non-stop, quoi. Donc, grosse bataille finale, ils finissent par le vaincre ou le repousser, j'en sais rien, parce que peut-être il faut pas tuer les gens dans l'univers de Mario, et peut-être il faut prévoir une suite, j'en sais rien. Et là, eh ben, on découvre enfin Mario, Mario et la princesse qui sont libérés, hein, et qui vont dire des trucs, mais tout à fait pas prise de risque, du genre « Ah, it's a me, thank you so much, wahoo !» Parce que voilà, faut pas les faire parler, hein, pas plus que ça. Et on termine sur une grosse séquence de fin où t'as Mario, Yoshi, Kevin, Riley, des noms qui font rêver, hein, dit comme ça, qui font du parcours dans le royaume champignon, avec là la musique à fond pour fêter la victoire. Un passage qui sera d'ailleurs 90% de la future bande-annonce, ce sera pris sur cette séquence de fin où tu verras enfin Mario faire des trucs de Mario. Tu vois, c'est-à-dire que tu vas vraiment le voir sauter partout, ramasser des pièces, avec la musique et tout. Ah, tu m'emmerdes. Et si vous voulez savoir à quoi ça va ressembler, je vous invite à regarder la bande-annonce du futur parc à thème d'Universal. Tout à fait, oui. Qui, en fait, sera plan pour plan exactement ça. Vous savez, vous voyez des gens courir avec Mario, ramasser des pièces, sauter sur des Goombas, etc. Ce sera plan pour plan ça. Un gros moment feel good. Et donc... bon ben voilà, on arrivera à la fin où t'as un vieux Todd avec une barbe blanche qui ressemble vachement au vieux qui leur a vendu la télé au début, qui fait « Ah, ben vous allez peut-être retourner chez vous maintenant, parce que vous avez suffisamment joué, ah oui c'est vrai, puis votre mère elle va s'inquiéter là, hein, votre femme elle va s'inquiéter, ah ben oui, ça va te jouer 5 minutes, mais à un moment faut retourner au monde réel. » Donc paf, ils sont renvoyés devant la télé. Tu vois la mère qui descend de l'escalier avec un carton qui fait « Oh ben ça fait 10 minutes que je vous appelle, vous étiez où ?» bon, alors vous la vendez ou vous la vendez pas, cette vieille console Nintendo ? Puis là, le père et sa fille qui se tournent vers la mère en faisant « Oh non ! Non ! On la vend pas !» Et puis la mère qui fait « Oh, ok, bah, vous jouez à quoi ?» Et puis le père et la fille se regardent et disent « Et là, écran noir, et là le titre Super Mario qui s'affiche en grand !» Oh non ! T'as pas le droit. Sur l'écran, et paf, générique de fin, et on termine, voilà, un générique où on voit des bouts de scène de toute la famille qui joue à Mario Kart. Est-ce qu'on peut venir malgré le confinement pour te casser la gueule? C'est juste une question, comme ça. Non. Fabien, voyons, Fabien. Laisse-nous rêver. Donc c'est mon pronostic pour le futur film Super Mario. Et donc à partir de là, bah, je vais vous demander, en fait, d'évaluer le taux de probabilité que ce scénario, ce sera celui qu'on verra en 2022. Donc, je vous propose de mettre une note qui va de 0 à 10, hein, sur une échelle de 0 à 10. Encore une fois, vous ne notez pas la qualité de ce scénario. Vous votez pour la probabilité. Parce que moi, je vous le dis, je ne vois pas autre chose à partir de maintenant. Je ne vois pas un autre scénario possible. Non, mais c'est ça qui est insupportable. C'est qu'en effet, qu'est-ce qu'on attendrait ? Évidemment, on en adorerait avoir 15 000 trucs, sauf que Mario ne parle pas, parce que c'est le joueur. C'est un avatar, déjà, exactement. C'est un avatar. C'est compliqué, quoi. Donc, ouais, malheureusement, ton truc tient tellement la route que ça en est écœurant, en fait. Parce que c'est... Je suis écœuré moi-même. Hein. Ben ouais, je sais bien. Parce que, par exemple, Pokémon, c'est un peu ça. Techniquement, t'as toutes les cases de cocher dans ce Pokémon-là. Le seul truc, par contre, c'est que l'univers de Pokémon et réaliste. Et donc, du coup, nous, fans, on se dit putain, mais cet univers, il a l'air tellement réel, alors que l'histoire, finalement, passe au second plan. Et l'histoire, cela dit, est pas terrible, mais au moins, l'univers est surprenant. Mais c'est parce qu'ils ont adapté Détective Pikachu aussi. Oui, c'est ça. Qui est un truc assez improbable. Mais au moins, on s'attendait pas à ça. C'est quand même surprenant, Détective Pikachu. Oui, oui, oui, tout à fait. Mais par contre, voilà, le souci, c'est qu'en effet, je vois pas. Ou alors, peut-être. Et sur une échelle de 0 à 10, du coup? Ah, moi, je pense 80, enfin, 8. 80%. Donc 8. C'est voilà, ça. Donc 8. Voilà. Merci. Je t'aide. moi, j'étais parti sur un 7 sur 10. J'aime bien laisser un petit peu de la marge, mais j'ai juste une question. Selon toi, le casting? Ah, bah, ce sera un casting vocal, hein, du coup. Comme j'ai dit, il n'y aura pas de vrai acteur. Ouais. Mais bon, s'il y a un casting vocal, je pense qu'il y a de grandes chances qu'il y ait un Ryan Reynolds qui se pointe. Bah, c'est pas faux. Pour faire le père. Après tout, ils l'ont déjà casté. Bah, le père en Ryan Reynolds, ça peut le faire. Je pense que c'est jouable, Ryan Reynolds, pour jouer. Et puis voilà, bah, ce sera la tête d'affiche parce que les autres, Contenyark, je sais pas, prenez Bryan Cranston et Danny DeVito pour faire Todd. Et surtout. Quelle star à la noix ils vont nous mettre dans le casting français? Dans le casting français? Qui va jouer? Que va jouer Kev Adams? Ah, mais ça va être le cas malheureusement. Bah, en français, il n'y avait pas sur Pokémon Pikachu. Il n'y avait pas de star mis en avant. C'est sur Sonic qu'ils ont mis Malik Bentala sur Sonic. Mais si tu regardes ce studio en France, en français, ils avaient Gad Elmaleh par exemple pour Gru. Ouais, bien sûr. Oui, putain. Alors, qui je verrais en France en casting vocal? Tu m'emmerdes aussi, Bilou. Putain. Ah, j'avais pas pensé à ça. Je pense qu'il pourrait plutôt chercher des youtubeurs en se disant prenons des Cypriens. Ouais, des youtubeurs connus, quoi. Bah, Cyprien et Squeezie le feront pas parce que Squeezie s'est déjà pris une murche sur la gueule avec Ratchet & Clank. Bah, mais... Peut-être qu'il pourrait faire à des personnages secondaires de sûr, en tout cas. Non, je pense pas que. Enfin... Squeezie en Todd, je le sens venir à 2000%. Tu vois. il veut pas redoubler. Il veut pas redoubler de personnage, lui. Il s'est pris assez de chasse dans la gueule pour... c'est ce qu'il expliquait. Il avait expliqué. Ouais, salut tout le monde, c'est Squeezie, c'est Todd, alors... Ah, mais en vrai, par contre, c'est tout à fait faisable qu'un Michou, ou je sais pas, un youtubeur, ou McFly Carlito. Tiens, voilà. Michou. Vraiment, McFly Carlito. McFly Carlito, c'est possible. Ah ouais, c'est possible. Alors, c'est vraiment possible. Faut que tu précises parce que Michou, Lucie, elle est d'une autre génération. Elle pense pas au même Michou. Ah, je connais pas non plus, hein. Bah, Michou, c'est un jeune youtubeur, il s'est fait connu, il était tout petit au début, il s'est fait connaître, il tapait sa tête contre une table, ça fait tout du bien même. Mais maintenant, c'est un youtubeur à 1 million, 2 millions d'abonnés, que je ne regarde pas, hein, qu'on soit d'accord. Ah, mais t'as le droit de regarder ce que tu veux. Mais qui est connu, qui est dans les tendances souvent, malheureusement. Mais, parce que moi, je comprenais vraiment pas pourquoi il aurait fallu aller chercher Michou. Avec ses lunettes bleues. Mais c'est le vieux, le rôle du vieux sera joué par Michou tout en bleu. Oh là là. Et le méchant Contenyark que sera joué par Féodor Atkin. Et Peach, ce sera Régine. Non, mais qui c'est que je verrais bien Féodor Atkin qui joue 90% des méchants actuellement dans les films d'animation. Mais il le fait bien, on va pas se mentir. Soit lui, soit peut-être Richard Darbois. Il joue plus trop les méchants, Richard Darbois. Il joue plus les déjà mecs fait. Les pères. Mais oui. T'avais une idée? Ouais, McFly et Carlito, quoi. Forcément un petit caméo, quoi. McFly et Carlito en deux Todd, tu vois, différents, je sais pas, mais... Mais un petit rôle. Je pense pas qu'ils auront un rôle. Non, ils auront un petit rôle. Ils auront un petit rôle, mais un genre de caméo, quoi. Tu m'as donné ta note, Bilou, du coup? Ouais, moi, je suis allé sur 7. Ouais, 7, alors. Ouais. Ok. Et Lucie? Ouais, moi, je serais comme Valentin, je dirais 8. Mais c'est ça qui est chiant, c'est qu'en effet, tu l'as très bien dit. En fait, si tu veux, j'ai pas trop réfléchi, moi, ce scénario de Mario, justement, j'attends de voir. Parce que mine de rien, c'est vrai que quand il réfléchit, c'est ça qui va se passer. Et justement, ce serait une très bonne surprise qu'ils prennent leur bollocks un peu et qu'ils se disent non, on fait vraiment un truc dans l'univers de Mario, il y a que Mario. Et voilà, mais... Bah alors sinon, soit ça, soit éventuellement la vraie surprise pour moi, qui serait pas encore forcément extraordinaire, mais ce serait un film quasiment sans dialogue, à base de petits sketchs. Oui, exactement, ouais. Genre limite, un sketch Mario Tennis, un sketch Mario Golf, un sketch Mario prend le bus, enfin j'en sais rien, des conneries en fait. En fait, c'est ça le souci, c'est que malheureusement, Illumination fait aussi beaucoup de feel goods comme ça. Bah, cela dit, on n'attendrait pas, c'est Super Mario, je pense qu'on peut pas attendre de le voir traîner dans la boue, etc. S'il y avait quelqu'un qui faisait un film Zelda, j'attendrais vraiment qu'il y ait, par exemple, un vrai parti pris esthétique et une ambiance plus respectueuse, on va dire. Je suis entièrement d'accord. Ouais. Mario peut être dans la farce, Mario peut être dans l'humour, tu vois. Mais il peut être dans le friend family, tu vois, je trouve que tu vois, c'est pas déconnant, mais en termes de scénario, tu vois, c'est malheureux quoi. Parce que Mario Odyssey, t'as ce truc là de Mario à la fin de Mario Odyssey, je trouve que justement ça prend tout son sens, toute l'aventure que t'as suivie pour aller récupérer Peach qui veut se faire forcer de se marier à Bowser, et je trouve que la fin se conclut parfaitement bien. Un bon petit scénario, pas trop prise de risque. Exactement, et la fin est drôle, enfin tu vois, genre c'est léger mais c'est drôle, et j'aimerais beaucoup revoir cette idée, même si là c'est finalement le scénario peut pas finir sur un film, ça tient sur un timbre. Bah sur un jeu, ouais. C'est ça, ça tient sur un jeu, exactement, où c'est le gameplay qui raconte, et pas l'inverse. Donc voilà, bah en tout cas, les paris sont pris, donc on verra dans 2 ans, ou en tout cas dans 1 an et demi, quand il y aura la première bande-annonce, a priori, si ça va dans cette direction-là. J'y crois à mort, en tout cas, et je maintiens le pari. Alors je ne parie rien, j'ai pas d'idée. Mais en tout cas, je pense que ce sera déjà suffisamment drôle de réécouter cette chronique en 2022. Exactement. Sur ce, je vais vous diffuser une musique que j'ai sélectionnée qui s'appelle Se reposer en anglais, et qui est un remix original composé par un artiste qui s'appelle Phino, P-H-2-E-N-O. Et dont je vous laisserai reconnaître les différents samples qui sont utilisés. Donc on s'écoute Rest de Phino. Franchement, j'adore cette musique. Si vous voulez écouter aussi le reste sur sa chaîne YouTube, il fait pas que des remixes jeux vidéo, il y a aussi des EP tout à fait originaux où il chante et tout, et c'est vachement sympa. Non, très très cool. Et on va reprendre la deuxième partie du Voxo Quiz. Yes, j'adore perdre. Cette semaine, je vous propose donc un Voxo Quiz sous une nouvelle forme, puisque ce sera chacun votre tour, et je vais vous diffuser des extraits d'Emmanuel Curtil. Emmanuel Curtil, vous ne connaissez probablement pas son nom, et vous ne connaissez très certainement pas son visage, mais vous connaissez sa voix. Emmanuel Curtil, c'est le doubleur officiel de Jim Carrey. D'accord. Une voix assez iconique. Ah oui. Que vous connaissez forcément, que vous avez entendu à la télé, à la radio, oui. Au cinéma. Et il a doublé pas que Jim Carrey, il a doublé d'autres personnages dans des films, des séries, voilà. Et donc le but du jeu, c'est que je vous passe un extrait. Vous allez avoir deux choix, c'est Jim Carrey ou pas Jim Carrey. Donc à savoir, est-ce que selon vous, dans cet extrait, le personnage que double Emmanuel Curtil, c'est Jim Carrey qui l'interprète, ou c'est pas Jim Carrey? Donc c'est pas mal, ça vous laisse une chance sur deux d'avoir la bonne réponse, mais du coup c'est beaucoup trop simple. Alors je vais rajouter des règles pour que vous puissiez vous mettre des bâtons dans les roues. Prêtez une oreille attentive, le but du jeu, donc c'est Jim Carrey, pas Jim Carrey, une chance sur deux, un point attribué si la réponse est juste, oui. Et pas de point retiré en cas de mauvaise réponse, hein, et on passe au suivant. Par contre, si vous avez donné une bonne réponse, vous pouvez avoir un point supplémentaire si vous me donnez le titre de l'œuvre. Là, vous aurez un point en plus, donc vous pouvez gagner deux points. Par contre, si vous donnez une mauvaise réponse quant au titre de l'œuvre, je vous retire un demi-point. Vous avez la possibilité, cela dit, de passer. Vous pouvez dire « je passe » et comme ça, vous ne perdez point. Vous ne perdez pas votre demi-point, vous ne prenez pas de risque. On perd point de point. Voilà. Mais, en disant « je passe », vous offrez la possibilité au suivant de proposer un titre d'œuvre. D'accord. Et si ce suivant ne trouve pas le titre, il ne perd pas de points. Donc c'est tout bénef, tu vois. D'accord. Donc oui, si celui qui est avant toi répond pas, t'es obligé de dire oui, je veux bien répondre. Et du coup, ça lui offre l'opportunité de gagner jusqu'à 3 points. Pourquoi ? Parce qu'il peut trouver le titre de l'extrait précédent, plus Jim Carrey, pas Jim Carrey, de son extrait qui va avoir lui, plus reconnaître l'œuvre d'où est tiré l'audio. Donc on peut en un tour gagner 3 points si on se démerde très bien. Et je termine en disant qu'il y a un tout petit piège, c'est que il y a deux extraits qui viennent exactement du même film. Et donc tes extraits, c'est film et série. Film, série, dessin animé, animation, voilà. D'accord, pas de jeux vidéo. Pas de jeux vidéo, non. D'accord. On va commencer tout de suite avec Bilou pour l'extrait numéro 1. Et bonjour la classe, maintenant on va s'éclater. Pourquoi ? Parce que j'ai une jeunesse de retard. Alors, Bilou, Jim Carrey ou pas Jim Carrey ? Je dirais Jim Carrey. Et c'est un point pour Bilou. Est-ce que tu veux deviner le titre de l'œuvre ? Alors, oui, je vais deviner The Mask. Et c'est The Mask, ah, ce qui fait putain. Deux points pour Bilou. À partir de là, on enchaîne Valentin, extrait numéro 2. C'est un double vitrage, isolation phonique. Il est impossible que la voisine ait pu entendre Paul Acteur hurler pendant sa chute derrière cette porte close. Oui ! Oh oui ! Tu la sens, ma grosse intelligence ! Ah putain. Jim Carrey ou pas Jim Carrey ? Jim Carrey. C'était Jim Carrey. Est-ce que tu peux nous trouver l'œuvre ? Je passe, mon cher Baf. Ce qui fait que Lulu, si tu sais, tu peux tenter de deviner l'œuvre en question. Ace Ventura. Oui. Ace Ventura, tout à fait. Et donc, un point pour Lucie. Tu peux écouter l'extrait numéro 3 et potentiellement gagner encore 2 points. Il se trouve que dans ma société, j'ai été celui qui a permis d'assurer le passage entre les systèmes KL5 et GR6, voyez-vous. Vous devez avoir des mains en or. En effet. C'était très bien. Oh, je tiens à vous remercier. Vous savez que j'étais très nerveux. On m'avait dit que j'étais trop rentre-dedans, que je faisais trop de blagues. D'ailleurs, j'ai eu quelques difficultés à me retenir au moment des défonctions. Alors, Lucie, Jim Carrey ou pas Jim Carrey ? Allez, je dis oui. Jim Carrey ? Ouais. Eh non, ce n'était pas Jim Carrey. Il s'agissait... Alors, c'est à moi ? Eh ben, c'est pas moi de deviner ? Non, on va vraiment rester... Ah non ! Si elle dit « je passe ». Mais s'il y a une mauvaise réponse, je vous donne la réponse. Eh bien, la réponse, c'était... tu es dégoûté, Bilou, parce que tu savais. Oui ! Oui, je suis deg ! Eh bien, il s'agissait de Chandler dans Friends. Ah, et donc, interprété non pas par Jim Carrey, mais par Matthew Perry. Voilà. Bilou est en tête avec 2 points. C'est à ton tour, Bilou, et tu peux écouter l'extrait numéro 4. Alors là, cette histoire de diable blanc, ça me gonfle. Je suis obligé de te massacrer avec cette tronche. Alors, c'est Jim Carrey ? C'est Jim Carrey, tout à fait. Et je dirais que c'est Bruce Tout-Puissant. Bruce Tout-Puissant, c'est votre dernier mot ? Ouais. Et non, il ne s'agissait pas de Bruce Tout-Puissant. Ah. Je vous accorde donc, cher Bilal, 0,5 points. Et Valentin, je peux te proposer du coup de deviner de quelle œuvre il s'agit, puisque tu ne prends aucun risque. Je ne sais pas. Moi, il a dit Diable Blanc. Du coup, tu vois, je m'étais dit, c'est peut-être une histoire de Dieu. Bah ouais, quoi. Pareil, mais je me suis dit que c'était trop gros pour être vrai, puis ça me dit rien, parce que je connais... Enfin, de mon souvenir, ça me disait rien. Tu peux tenter un titre de film avec Jim Carrey au pif. Ah mais oui, c'est vrai que je perds pas de points. Eh bien, écoute, j'irai The Mask encore. Eh bien, The Mask, c'est non. Il s'agissait en réalité d'un extrait de Ace Ventura 2 en Afrique. Ah, putain. Scène où il combat des Wachutu qui le recoiffent puisqu'il l'appelle le Diable Blanc, justement, puisqu'il est blanc de D'accord. peau et qu'il a une coupe de cheveux improbable. Valentin, tu peux à présent écouter l'extrait numéro 5. Comme tu le disais, j'étais fermé à tout. Maintenant, je suis ouvert et ça change tout. Disons que l'ère du oui a commencé. Alors, je dirais Jim Carrey. Hmm. C'est effectivement Jim Carrey. Et je dirais Bruce Tout-Puissant. Et on retente Bruce Tout-Puissant. Il ne s'agissait pas de Bruce Tout-Puissant. 0,5 points pour Valentin. Lulu, tu peux essayer de deviner l'œuvre si tu le souhaites. Yes, man. Yes, man. Ah bah oui. Je dis oui à tout. Effectivement, c'était le gros indice. Tu gagnes donc un premier point. Tu peux maintenant écouter l'extrait numéro 6. Ce que je sais, c'est que je ne recherche pas le rire facile. Je prends le public aux tripes. Je veux que les gens fassent une vraie expérience. Qu'ils m'aiment, qu'ils me haïssent, qu'ils sortent tous. Tout ça, c'est pareil. Jim Carrey ou pas Jim Carrey ? Pas Jim Carrey ? Ah, il s'agissait de Jim Carrey. Ah eh oui. Donc, je l'ai encore. Tu l'as encore, c'est bien dommage. Je te laisse le dire, Bilou, pour 0 points. C'est Man on the Moon ? Man on the Moon, effectivement. Donc, Jim Carrey qui interprète Andy Kaufman. C'était un comédien qui était dans le registre de l'absurde et qui ne plaisait pas à tout le monde. C'était le gros indice. On va enchaîner avec Bilou. Tu peux maintenant écouter l'extrait numéro 7. Non, je ne suis pas le roi. Peut-être que j'aurais pu, mais il y a bien longtemps. Eh ben écoute, moi je vais dire pas Jim Carrey. Ouais. Voilà. C'est pas Jim Carrey, effectivement. Est-ce que tu veux tenter le titre de l'œuvre ? Non, parce que j'hésite entre deux et j'ai pas envie de me tromper. Voilà. Très bien. Tu passes donc à 3,5 et je vais proposer à Valentin d'essayer de deviner de quelle œuvre provient cet extrait numéro 7. Ah, je sais pas trop. Je vais dire le Roi Lion, pif. Eh ben, c'est bien tenté, puisque c'est le Roi Lion. C'est vrai ? Bien joué. Ben oui. Putain. Alors, je suis surpris, Bilou, tu n'as pas osé tenter. Non, parce que j'hésitais avec un autre. Et j'avais peur de, si je disais l'autre, que je perde 0,5 points, vu que j'ai de l'avance. À l'oreille, ça me disait pas du tout sa voix, quoi. C'est un truc de fou. Tu passes à 2,5. Je te propose d'écouter l'extrait numéro 8. Je peux pas mentir ! Oh putain, je vais dire Jim Carrey. C'est effectivement Jim Carrey. Et je dirais Yes Man. Bien tenté, non, il ne s'agissait pas de Yes Man. Tu montes à 3 points, tu talonnes Bilou, mais je vais maintenant proposer à Lucie d'essayer de deviner de quelle œuvre il s'agit. Non mais merci Valentin, à chaque fois je peux récupérer un petit peu des points comme ça. Il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de quoi, avec plaisir. Menteur, menteur. Menteur, menteur, c'était un gros indice. L'extrait était court, mais il y avait un gros indice. Film assez connu de Jim Carrey, où il ne peut effectivement plus mentir sous le coup d'une malédiction. Ça te fait 2 points, Lucie. Et je te prie d'écouter l'extrait numéro 9. Je ne suis pas d'ici. Je dois sans cesse faire attention et me contrôler. Utiliser mes pouvoirs reviendrait à ruiner la moindre petite chance d'avoir une vie normale. C'est quoi une vie normale ? Être un humain. Alors, c'est pas Jim Carrey. C'est pas Jim Carrey, effectivement. Est-ce que tu souhaites tenter le titre de l'œuvre ? C'est que c'est un film d'animation, j'en suis sûre. Puis la réplique me dit quelque chose. Ah oui, d'accord, ouais. Je crois. Bah, je sais pas. Peut-être. Non, mais je... Tu ne prends pas le risque, tu montes à 3 points. Et je vais proposer à Bilou d'essayer de deviner le titre de l'œuvre. Eh bien, je l'ai. Et tu l'as. C'est... Oh putain, attends, je sais plus comment ça s'appelle exactement. C'est la série Superman. Je vais valider la série Superman. C'est tout à fait suffisant. C'est Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman. Voilà, je savais que c'était un nom à rallonge, mais je savais plus. Exactement. Tu passes à 4,5 points. Et je te propose d'écouter l'extrait numéro 10. Mais attends, pourquoi moi ? Je suis un citoyen ordinaire. Je suis pas Superman, je vais pas enfiler une cape rouge et voler au secours du monde. Tu pourrais être très élégant avec une cape. Y'a que toi que ça fait rire. Je te rappelle que j'ai rien demandé, je tiens à ce que ce soit clair. Je ne veux pas de ça, je vis très bien sans. Je suis sûr qu'il y en a plus d'un que ça pourrait intéresser. Alors, J'ai pas l'impression que ce soit Jim Carrey, donc je vais pas dire Jim Carrey. Pas Jim Carrey, effectivement. Ça ressemble encore à Kyle Chandler, mais alors là... Est-ce que tu souhaites tenter... Non, parce que je l'ai pas, c'est sûr que je l'ai pas. T'es sûr que tu ne l'as pas? Eh bien, tu passes à 5,5 points, et je vais proposer à Valentin d'essayer de deviner le titre de l'œuvre. Friends. Et non, bien tenté, c'était pas... c'est parce que Bilou a dit Kyle Chandler, mais attention, attention piège, Kyle Chandler est un acteur et non pas un personnage de fiction dans Friends. D'accord. Puisque, effectivement... Vous voyez à quel point, là, mon manque de culture me fait passer pour un con. On est d'accord. Non, non, mais on peut s'y perdre. Et puis en plus, il y a un gros piège. Le gars dit qu'il n'est pas Superman, alors qu'on vient de mettre un extrait où il était Superman. Mais peut-être était-ce encore un extrait de Superman, finalement. Puisque Superman, Clark Kent, essaye de cacher son identité. Ah oui. Et c'est dommage, puisque ça ressemblait effectivement à Kyle Chandler. Et c'était Kyle Chandler dans la série Demain à la Une. Oh putain. Et oui. Oh, je me déteste. J'arrête pas de la regarder en ce moment, en plus. Donc effectivement, Demain à la Une, dans le premier épisode où Gary Hobson découvre qu'il reçoit le journal du lendemain répond qu'il ne va pas sauver les gens parce qu'il n'est pas Superman, ce à quoi son ami l'incite à le faire, et ce qui donnera du coup la série Demain à la Une. Okay, En vrai, je suis vraiment un gros connard. Parce que j'arrête pas de la regarder, je dis c'est Kyle Chandler, et il dit qu'il va pas sauver le monde, mais c'est sûr que c'est ça, quoi. Putain, réfléchis. Tu nous confirmes, Bilou, est-ce que ça a bien vieilli, Demain à la Une? En vrai, ça a pas mal vieilli, ouais. J'ai l'impression que c'est pas mal, quand même. J'ai regardé 2-3 épisodes... Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, Valentin, je te propose du coup d'écouter l'extrait numéro 11. Il se déplace comme une meute. Il chasse. Et les meutes sont toujours soumises aux ordres d'un mâle alpha. Et ce guide rat est leur nouvel alpha. Toutes les autres créatures lui obéissent, elles sont comme une extension de lui. Et si on l'immobilise, on les immobilise toutes. Pas Jim Carrey. Pas Jim Carrey, effectivement. Ça me dit un truc. Pense à... Chaque extrait comporte des indices. Mais oui. Si tu souhaites essayer, en tout cas. Oh, putain. Non, ça me dit rien, ça me dit rien. Fidéry, tu souhaites passer? Non, ouais, je passe. Lucie, est-ce que tu veux tenter? Ça me dit quelque chose, mais... Eh bien, il s'agissait d'un extrait de Godzilla, Kings of the Monster. Ah, putain. J'avais pas du tout. C'est parti pour le 12e extrait. Toi, tu seras la personne qui ne fait pas du porte-à-porte, choupette en sucre. Toc, toc! Qui est là? C'est moi! Je vous en prie, rentrez! Bien le bonjour, madame. Voulez-vous pimenter votre vie? Oui. Alors, ce qu'il vous faut sans plus attendre, c'est ce magnifique outil de table à quatre dents. C'est pas Jim Carrey. C'est pas Jim Carrey. Est-ce que tu veux tenter le titre de l'œuvre? Si. S'il te plaît. Valentin, il l'a. Il est dégoûté. Ouais, pour une fois que j'en ai un. C'est mal tombé, hein. Bon, je vais proposer à Bilou d'essayer de deviner. Eh bah écoutez, moi je crois que je l'ai pas, hein. Ah mais faut que je peux proposer un truc quand même, si. Tu ne prends aucun risque, tu peux essayer. Non, franchement, je sais pas. Non, j'ai même pas de truc qui me... Valentin, alors, pour 0 points. Non, vas-y, vas-y, vas-y, comme ça je prends pas la honte. Allez, Valentin, pour 0 points. C'est la petite sirène. Ah, la petite sirène. Ah, c'est la cause de la fourchette. Ah, oui. Ouais. Et tu vois. Ah, ok, intéressant. Bah, effectivement, pas du tout, non. Très bien, mais pas du tout. Super. Yes. Il s'agissait du père de Jimmy Neutron dans la série Jimmy Neutron. Oh, je pense que Bilou a le seum. Ah, je l'ai, il est profond. Ouais, non, mais je te comprends aussi. Le coup est dur en ce moment. Le coup est dur. Voilà. Oh, Jimmy Neutron. Et oui, ma choupette en sucre. En sucre, exactement, ouais, tout à fait. Ah, s'il avait parlé de canards, j'aurais su, tu vois. Si, il collectionnait les canards, le père de Jimmy Neutron. Oui, il était fan d'Ultra Vomit, visiblement, le père de Jimmy Neutron, puisque Ultra Vomit a fait une chanson qui s'appelle Je collectionne des canards. Oh. Qui ne doit pas être une référence du tout à Jimmy Neutron, je pense. Mais... Je pense, oui. Tu peux, Bilou, écouter l'extrait numéro 13. Je ne suis pas archi sûr que ce soit l'album que vous nous aviez promis. Et à quoi ça rime tout ça par-dessus le marché? Scaramouche, Galiléo et toute cette histoire d'Ismila? À quoi est-ce que ça rime ce bismillah de mes deux? Putain, je suis dégoûté. Alors, c'est pas Jim Carrey. C'est pas Jim Carrey. Et c'est dans le film sur... dans le biopic, là. Attends, deux secondes, faut que je retrouve le nom. Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody. Ah, Lucie est dégoûtée. Eh oui, pareil. 7,5 points pour Bilou, qui est largement en tête. Eh ben, on va, pour le sport, proposer... Encore que... Non, tu ne peux marquer que 2 points au maximum sur cette session, Valentin. Donc je t'invite à écouter le dernier extrait, l'extrait numéro 14. Ah, Charlotte Watchumyun, Soumissive Rising. Alors. Il est censé y avoir un indice. Alors, vas-y, je vais dire Jim Carrey. Jim Carrey, effectivement. Et en œuvre, je dirais Bruce Tout-Puissant. C'est la mer noire. Eh bien, non. C'était Jim. J'aurais dit ça aussi en vrai. 4,5. Ça me fait penser au moment où. Où il redouble le présentateur télé. Tout à Steve fait. Carell. Interprété par Steve Carell. Non, c'était dans Yes Man à nouveau. Une scène où le mec a eu l'occasion d'apprendre le coréen et peut dialoguer avec une vendeuse lors non, de. Non, une organisatrice une de organisatrice mariage. Une organisatrice de mariage. Une vendeuse de mariage, finalement. Bilou a donc remporté la manche. Il nous a écrasé. 7,5. Valentin est deuxième avec 4,5. Et Lulu en dernière position avec 4 points. Il était très, très cool ce jeu. Ouais, très cool, ouais, je suis d'accord. Félicitations. Bah, je pense que là, le petit côté stratégie. C'est une petite pique pour moi parce que je lui ai dit non, mais c'est trop compliqué. On va se prendre la tête avec les règles. Non, c'est trop bien. Tu as tort. Voilà. Tu as tort. Mais le but n'est pas d'avoir tort ou raison. Le but est de s'amuser, oui, oui. Et je pense... Oui, je suis d'accord avec toi, mais n'oubliez pas, quel a tort. Sur cette victoire de Bilou, on va pouvoir enchaîner avec une chronique de Valentin. Carte blanche à la blanche, oh la vanne. Désolé. Voilà, on va parler de cloud gaming aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que le cloud gaming? Vous allez pouvoir poser la question. Qu'est-ce que le cloud gaming, Valentin? C'est quoi le cloud gaming, mais Valentin, je vais vous le dire, mes chers amis. C'est qui, Claude? Donc, c'est ce qu'on disait justement la dernière fois par rapport à... On parlait de Netflix et justement de ce marché vis-à-vis du streaming. Eh bien, en fait, le cloud gaming, à la manière de Netflix, en fait, qui va simuler, comme une espèce de lecteur DVD, en fait, qui va simuler vos DVD... ici, le cloud gaming, lui, va simuler vos jeux vidéo et vos consoles de jeux vidéo. Sauf que là, on touche déjà quelque chose de plus technique. On doit calculer et pré-rendre un moteur, c'est du calcul, c'est du temps de calcul d'un ordinateur. Et en plus de ça, il faut l'envoyer vers vous, mais par contre, vous derrière, vous réagissez. Donc du coup, il faut absolument que, quand vous appuyez sur la touche A de votre clavier ou sur la touche A de votre manette, ça envoie l'information très rapidement et que sur l'image, du coup, que vous allez recevoir après, quand vous appuyez, en gros, l'action se passe. Qui n'est pas une demi-seconde de temps de latence, quoi. Parce que s'il y a du lag, c'est mort, quoi. Exactement. Moi, par exemple, j'ai un Shadow. Donc, c'est un... Ah, t'as le Shadow, toi. Moi, j'ai le Shadow, exactement. C'est un PC, j'en donc... J'ai pas entendu que des trucs, que du bien de Shadow, moi. Justement, moi, la nouvelle offre, bon, j'en parlerai un peu plus tard de Shadow, mais moi, justement, je suis surpris, mon serveur, enfin, mon Shadow, qui est, en fait, c'est du cloud computing, là, on est encore au-dessus. C'est un ordinateur en ligne, si vous préférez. Mon serveur est à Amsterdam, et je joue à un jeu comme Overwatch ou comme Apex, et quand je clique, ça tire de suite, quoi. Et c'est à Amsterdam, c'est à 6 heures de bagnole, 7 heures de bagnole. T'as combien de ping, tu sais? Sur le Shadow, j'ai 13 de ping. Oh, mais ça va, putain. Par contre, voilà, on va y venir, il faut quand même derrière avoir une certaine capacité, oui, exactement. Si t'es pas équipé, c'est mort, quoi. C'est ça. En fait, qu'est-ce que ça va faire en fait que le cloud gaming concrètement, c'est que vous avez plus besoin d'acheter de console. Mmh. En fait, techniquement, dans les années 2010, on a eu une espèce d'explosion du stockage en ligne, c'est-à-dire de plus avoir des disques durs physiques, mais d'avoir des disques durs sur le cloud. Il y a eu d'ailleurs quelques scandales sur le fait, oui, mais des gens ont pu fouiller mon cloud, notamment avec Apple ou avec Google. Mais là, aujourd'hui, la nouvelle révolution qui va arriver, c'est matériel. C'est-à-dire qu'en gros, votre calcul, vous n'êtes plus obligé de le faire via votre machine physique, c'est-à-dire que c'est les machines qui sont sur Internet qui vont vous le calculer. Et ça, c'est une petite révolution, parce que justement, pour vous parler un peu plus technique, c'est qu'on avait l'impression que les puissances doublaient tous les 5, enfin, je sais plus exactement comment ça se passait, mais doublaient tous les ans, en termes de puissance, en termes de GPU, etc., la puissance doublait tous les ans ou tous les 2 ans. On pensait ça, sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte que plus on essaye d'aller loin, en termes de puissance de calcul, moins ça va être éblouissant. Et d'ailleurs, ça va être une des problématiques dans le jeu vidéo, de se dire... on peut pas faire plus beau, on peut pas faire plus performant, comment on fait? Donc du coup, il va falloir trouver justement des nouvelles choses comme le ray tracing ou les trucs comme ça. Le ray tracing qui en fait simule comment la lumière va se réverbérer sur les différentes surfaces, etc. Et donc du coup, justement, ça coûte très cher en fait. Quand on veut avoir des choses puissantes, ça coûte cher. Et le prix va pas forcément baisser parce que justement, on arrive petit à petit à un palier limite de puissance. Et donc du coup, ce que proposent ces acteurs-là, c'est de vous dire, écoutez... vous n'avez pas acheté de matériel, le calcul, vous ne vous en occupez pas, c'est nous qui le faisons. Nous, on vous offre un service qui vous permet de jouer. Et c'est du coup, ça permet de ne pas acheter par exemple une console 300 balles. Ouais, faut juste une connexion à 300 balles. Voilà, en fait. Il faut par contre une grosse connexion. Une connexion qui en fait ne dépend pas réellement de vous, mais plus de l'infrastructure qui est autour de vous finalement. Donc du coup, on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui arrivent sur le marché. Vous n'avez qu'à marquer cloud gaming sur Google pour voir un nombre assez impressionnant de services proposant en effet du cloud gaming. Plus ou moins efficacement et plus ou moins intéressant aussi. Là par exemple, il y avait Black Nut ou d'autres encore qui sont pas du tout connus parce qu'ils sont pas du tout médiatisés, mais qui proposent différentes choses, en fait plein de jeux différents et qui en effet sont des PC en fait en ligne, enfin sont des consoles de jeux en ligne. Mais la grande question c'est voilà, quelles seront les clés du service ? Quelles sont les clés qui vont permettre qu'un service soit plus attractif que l'autre. Le premier, c'est le contenu. C'est-à-dire que les jeux, ça va être comme Netflix, Disney+, et tout le tintouin. C'est ce qu'on parlait la dernière fois. C'est vraiment le contenu. Si on propose une liste à 2500 jeux, mais de tout pourri, ça va pas trop aider votre service. Alors que si vous proposez déjà des jeux un peu tête d'affiche au premier jour de la sortie, là on va parler. Et là, justement, pour parler justement de cette idée de contenu, il y a un produit qui est pas encore tout à fait en ligne, c'est Microsoft, qui parle de son projet xCloud. Et le projet xCloud, c'est quoi ? C'est on a une liste de jeux pour... alors là, en ce moment, il y a plein d'offres, mais en général, je crois que ce sera 10€ par mois ou 15€ par mois, mais avec une liste de jeux vraiment balèze. Déjà, vous avez toutes les exclusivités Microsoft Day One, un peu comme si vous aviez les Avengers, ce dont on parlait pour Disney+, si les Avengers sortaient en même temps au cinéma et sur... Et sur Netflix, sur les VOD, quoi. Voilà. Là, c'est exactement pareil. Vous avez votre jeu, là, c'est Gear 5, imaginons. Voilà, Gear 5, il est sorti. Day One sur le Game Pass et en physique dans les magasins. Donc en gros, pour 15€ par mois, vous avez toutes les exclusivités Microsoft qui sortent Day One sur la plateforme. Mais en plus de ça, vous avez plein de jeux qui viennent sur la plateforme parce que Microsoft, justement, essaye d'acheter les droits pour pouvoir récupérer, pouvoir justement avoir des contenus intéressants. Donc par exemple, on va avoir The Witcher 3, on va avoir, il y avait Two Point Hospital que j'ai vu, il y a eu Dead Cells, enfin des jeux vraiment qui sont attractifs, quoi. Il y a eu les Tomb Raider... Enfin, vraiment, c'est des choses qui attirent, quoi, clairement. Qui te disent, putain, mais même pour 15 balles par mois, j'ai autant de jeux que je veux, en fait. Donc, c'est vraiment enfin, de très, très bonne qualité, ce service. Et visiblement, ils veulent coupler ce Game Pass avec le xCloud, qui est leur système, justement, de jeux vidéo en cloud gaming. Et visiblement, d'après le retour, c'est un truc assez fou de comment ça marche. Ils sont clairement un peu en avance, en tout cas, s'ils proposent en même temps leur Game Pass. Deuxièmement, de ce qu'il faudrait avoir, c'est le prix et le modèle économique. Parce que autant certains se disent que le cloud gaming se résume à un Netflix du jeu vidéo, autant on voit qu'il y a toutes sortes d'offres différentes. Alors oui, nous avons un système d'abonnement à la Netflix hein, qui permet d'avoir un catalogue de jeux que l'on peut lancer directement, comme par exemple, xCloud. C'est un peu la promesse que nous fait xCloud. Mais on peut aussi acheter des jeux individuellement et avoir un accès à une console gratuite avec des limitations de qualité de visuel, en fait. C'est un peu comme si Netflix faisait, si vous payez pas, on vous offre en fait notre contenu, notre player. Maintenant, c'est bridé à 1080p, quoi. Et si vous payez un abonnement à 5€ par mois, vous pouvez regarder vos vidéos en 4K. En gros, c'est ça. Sauf que là, Stadia, justement, c'est ça dont on va parler maintenant. Stadia, eux, leur modèle économique, c'est ce qui a posé problème à plein de personnes, en fait, quand ils ont annoncé. Tout le monde s'attendait vraiment à une révolution de la part de Google en disant « Bon, les gars, nous, on va faire un Netflix du jeu vidéo. Vous payez 15 balles, vous avez autant de listes de jeux que vous voulez. » Et let's go, vous pouvez jouer en cliquant sur un bouton. D'autant que justement, Stadia ont les infrastructures qu'il faut, enfin Google ont les infrastructures qu'il faut, donc du coup, tout le monde était chaud, quoi. Sauf qu'ils ont pris tout le monde de court, et dans le mauvais sens, c'est qu'en fait, on va pas faire les Netflix, vous allez acheter vos jeux plein pot, et après vous pouvez avoir votre plateforme. En fait, ce dont ils veulent faire, Stadia, c'est se dire, bon, on a une plateforme qui marche, et notre première offre, c'est gratuit. C'est-à-dire que vous achetez les jeux sur notre plateforme, c'est-à-dire vous achetez, par exemple, il y a Destiny 2 sur la plateforme Stadia, vous avez accès gratuitement à une console de jeu en 1080p. Mmh. Gratuit. Donc ça, c'est vrai que mine de rien, pour le gars lambda... Que tu payes que le jeu, voilà, tu ne payes pas de console. Donc pour le gars lambda qui veut jouer à FIFA, c'est parfait, en fait. T'achètes que FIFA. T'économises 300 balles de PlayStation 4, quoi. Et exactement. Mais tu peux revendre ? Ben non, justement, c'est du... Ouais, du coup. Évidemment, ouais. C'est du en ligne. C'est ça le problème, exactement. D'autant que je crois qu'il y a des lois européennes qui sont en train de passer qui veulent interdire le revente d'occasion en ligne, de produits en ligne. Tout ça pour dire que, leur base, c'est se dire bon, les gars, on propose quelque chose de gratuit, mais par contre, faut acheter le jeu. Et vous pouvez prendre un abonnement en plus qui vous proposera des jeux gratuits tous les mois, un peu comme ce que fait le PS Plus actuellement, qui propose 2 jeux gratuits tous les mois, et vous pouvez avoir de la 4K sur vos écrans. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, Stadia a fait une très mauvaise lancée, parce qu'en fait, en gros, ils se sont dit, on va lancer notre service maintenant, alors que ce sont clairement encore en bêta. La technique n'est pas un souci, réellement, vraiment, le système fonctionne vraiment bien, il n'y a quasiment pas de lag, c'est vraiment incroyable en termes de fluidité, etc. Le souci, c'est que t'as pas de contenu, donc c'est ce qu'on disait d'avant, il y a très très peu de jeux ou des jeux qui sont vieux, et surtout, en fait, c'est qu'il y a plein de fonctionnalités dont ils avaient teasé lors de leur annonce qui ne sont pas là. Et du coup, l'offre, par exemple, gratuite qu'ils avaient annoncée, elle n'est toujours pas là, alors qu'on l'attend depuis, justement, janvier, en fait. Donc, du coup, ils ont rétro-pédalé, et déjà qu'ils se sont fait... ils se sont un peu cassés la gueule en annonçant que c'était pas du Netflix, du jeu vidéo, avec ce système de jeu, de plein de jeux pour un abonnement par mois, et ben, ils sont... Voilà, c'est compliqué de faire ça. Alors qu'à côté, pour le même service, on a GeForce Now, qui, lui, fonctionne avec... c'est Nvidia qui propose ça. On a une offre gratuite, donc comme Stadia, là-dessus, une offre gratuite, où vous pouvez jouer 1 heure maximum, avant de pouvoir relancer une session, c'est-à-dire que c'est pas 1 heure par jour, hein, c'est 1 heure, le service s'arrête, et il faut redemander le droit de jouer. Sachant qu'il y a une liste d'attente. C'est-à-dire, en fait... En gros, tu lances ton jeu, imaginons, tu lances ton Raider, tu joues 1 heure, là, t'as le player qui s'arrête en disant, voilà, tu as joué 1 heure, maintenant, il faut relancer le streaming. Et donc, en gros, tu relances ton streaming, et souvent, t'as une liste d'attente avant de pouvoir rejouer. Mais du coup, t'es obligé, admettons, t'attends 50 minutes, enfin, déjà, ils te disent combien de temps t'attends ? Non, t'attends la liste d'attente. T'as un nombre de personnes qui passent avant toi, parce que justement, ils ont fait la queue avant. En gros, c'est ça. C'est comme rentrer sur un serveur, oh, en fait. Oh putain. J'ai du mal à visualiser, en fait, comment ça fonctionne. C'est un peu bizarre, je trouve. C'est pas Là, c'est l'offre. C'est juste pour, en fait, à mon avis, ils ont fait ça pour dire, venez essayer notre produit, en fait. D'accord. Parce que justement, comment fonctionne GeForce Now, c'est qu'en gros, Nvidia ont des jeux liés à eux, parce que c'est une marque de cartes graphiques, et donc du coup, ils ont des produits qui fonctionnent grâce aux cartes Nvidia. Et donc du coup, par exemple, les jeux que vous achetez sur Steam ou sur d'autres plateformes qui sont liés justement à Nvidia, vous pouvez aller jouer à ces services-là sur ce service-là, sur GeForce Now. Et donc du coup, en fait, ce qui se base, faut aussi acheter les jeux, mais les jeux, t'es pas obligé de les jouer que sur Stadia, ce qui est le cas là, ce qui est pour Stadia. Tu peux y jouer sur Steam, sur ton PC, sur ce que tu veux, mais en plus, tu peux y jouer en streaming grâce à GeForce Now. Et par contre, si tu veux jouer pareil en 4K et sans liste d'attente, il faut payer 5€ par mois. Là, ils sont très agressifs en termes de coûts, parce que justement, et pareil, dans le même service et dans le même prix économique, on a Shadow. Shadow, c'est même pas du cloud gaming, c'est du cloud computing, ce que j'expliquais. C'est qu'en fait, c'est un ordinateur en ligne. Ils ont 3 offres différentes, une à 15, une à 30 et une à 40, il me semble. Et en gros, là, ces différentes offres, ça va être en fonction de la puissance de calcul. C'est-à-dire de quelle carte graphique vous allez avoir, de quel matériel vous allez avoir. Okay, ouais. Moi, j'ai pris l'offre la plus petite, et la plus petite, c'est avec une carte graphique 1080, donc une Nvidia 1080. Qui est très bien, qui fait vraiment le café, c'est très bien. J'ai pas envie non plus d'avoir de la 4K Full HD, c'est pas ce qui m'intéresse avec l'offre. Et c'est pour ça que je trouve ça aussi très agressif, en fait, des 15€ par mois, parce que c'est pas si cher que ça pour avoir un PC un peu puissant quand même pour jouer. Et en fait, ça, le cloud computing, du coup, ce que propose Shadow, c'est que vous avez un ordinateur. Voilà, basta. Vous avez un ordi, à vous, en ligne, dont vous pouvez accéder de partout. Et justement, c'est là où je suis très surpris, je peux y jouer en 4G depuis mon bureau, parce qu'en 4G, ça fonctionne assez bien, il y a un petit temps de lag supplémentaire par rapport à du filaire, mais ça marche bien, et c'est français aussi, juste pour rajouter, voilà, c'est un service français, et c'est un des premiers services à avoir vraiment mis, en disant, ben voilà, nous, on veut faire ça, et c'est l'un des premiers arrivés sur le marché là-dessus. Et par contre, ben là, pareil, vous allez pouvoir jouer à tous vos jeux, en fait, tous les jeux que vous avez achetés. Parce que, justement, vous pouvez, sur votre PC, vous pouvez installer Steam, vous pouvez installer Uplay, vous pouvez installer Origin, ou le Epic Battle, enfin, l'Epic Store, Overwatch. En fait, tous les jeux, vous pouvez jouer en cloud gaming. Parce que, justement, c'est en train de se passer côté Nvidia, c'est qu'en fait, il y a plein d'éditeurs qui se disent « Ah, mais non, vous nous reversez pas d'argent, donc du coup, on veut pas que nos jeux tournent sur vos services. » Donc, du coup, là, en ce moment, il y a plein de jeux, dont le jeu Rockstar, etc., qui sont retirés du service de Nvidia, parce que justement, de ce qu'on suppose, c'est qu'ils touchent pas de dividendes sur le service. Mais et c'est pour ça que Shadow est plutôt une bonne solution, parce qu'on n'est même pas obligé de les acheter finalement, les jeux, on peut continuer de les pirater. On les télécharge en torrent et on les télécharge sur le Shadow, et on peut y jouer sur le Shadow, c'est un ordinateur. Donc je dis pas qu'il faut le faire évidemment, hein, c'est complètement à punir, mais ça reste un ordinateur. Donc on a toutes les possibilités dans l'ordinateur. Et moi si j'ai pris Shadow notamment, c'est parce que mon PC plante avec Premiere Pro, et que c'est pour ça que j'ai pris Shadow, c'est pour pouvoir faire du montage sur Shadow. Ah ouais, tu fais du montage sur Shadow du coup. Voilà, exactement. Ah, c'est intéressant comme concept. J'avais pas vu ça venir. Je pensais pour les jeux vidéo effectivement, mais un ordinateur en ligne. Mais même pour les animateurs, pour ceux qui font de l'animation 3D et tout, un PC ça coûte cher, ça coûte 3000 balles, tu vois. Alors si justement là je paye 15 euros par mois, mais si je prends mon abonnement pendant 1-2 ans, ils vont mettre à jour les équipements. Donc moi j'ai passé d'une 1080 à une 2080 dans 1 ou 2 ans, et je paierai toujours 15 euros par mois. Et l'interface, elle est bien ou pas? L'interface est très très bien. Genre ça se passe comment? Tu lances ton ordi perso, t'as une icône Shadow, tu double-cliques et ça t'ouvre un Tu double-cliques, c'est ça. En fait, en gros, c'est t'as une fenêtre Shadow qui est... en gros, bon, tu cliques sur l'application, tu te connectes, tu lances le streaming. Et quand le streaming est lancé, t'as une fenêtre justement qui s'ouvre avec un autre Windows dedans. Et donc du coup, tu peux le mettre en grand écran. Donc t'as un raccourci, c'est Windows Alt F en question. Tu le mets en grand écran et là, t'as un écran dédié Shadow. Voilà. Mmh. Mais en fait, c'est marrant parce que c'est finalement ce qui m'arrive en ce moment, parce que nous sommes dans une période de confinement et je suis actuellement dans une période de télétravail. Et le fait est que moi, j'ai un ordi qui est pas génial, hein, qui date déjà de 2012. Ah oui. Dans la société où je travaille, j'ai un super Macintosh qui était sorti l'année dernière, qui est super puissant. Et en fait, je l'utilise via une application qui s'appelle TeamViewer. Et en fait, tout à fait. Oui. Je me retrouve. C'est con, j'y avais pas pensé, mais effectivement, le concept du Shadow, d'avoir un ordinateur super puissant à distance. Bah déjà, j'imagine que pour le télétravail, ça peut être cool. Mais ouais, ne serait-ce comme tu dis que pour gérer. Et c'est ce que je fais. C'est-à-dire que là, mon ordi, je peux pas gérer de la 3D. Quoi. C'est ça. Je peux pas gérer des gros trucs sur Blender, et je suis obligé d'utiliser TeamViewer pour avoir accès à cet ordi puissant pour faire des trucs en 3D, quoi. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que là, ce service, c'est clairement dédié aux particuliers, parce qu'il existe déjà des services comme ça pour les pros. Moi, par exemple, dans ma boîte, que je vais pas citer, je travaille sur un poste virtuel qui n'est pas en physique, parce que justement, il y a des problèmes de droit, de sécurité, donc parce que je suis développeur, et donc du coup, j'ai un poste virtuel loin. Mais c'est pas la même chose, c'est-à-dire que j'ai un peu de lag des fois, quand il y a un peu de monde, là, notamment avec le télétravail, ça arrive très souvent que mon poste virtuel lag, parce qu'il y a beaucoup de monde sur leur serveur et tout, donc c'est pas aussi optimisé que Shadow, mais ça existe dans les pros, déjà. Disons que c'est, à mon avis, Shadow tape pas dans les professionnels. Il tape clairement dans les gamers, en fait. Les gamers avec un arrobase et un 3. Ouais, mais j'avais pas pris conscience, justement, de ce besoin, de cette demande, en fait, et ouais, il y a l'offre, et j'étais pas au courant, ouais, c'est assez impressionnant comme concept. Et justement, ça, c'est la clé aussi, c'est savoir qu'est-ce que ça va nous coûter, nous, en tant qu'utilisateurs, en termes techniques. Qu'est-ce qu'il nous faudra? Et justement, là, on va arriver au troisième point, la qualité du service. Autant vous dire que si Netflix fonctionnait aussi bien que Dailymotion, Netflix and Shield se transformerait en Amazon Prime and Shield, et ce serait beaucoup plus triste pour notre humanité. Là, c'est pareil, hein, comme expliqué plus haut, il va falloir avoir une technique parfaite. Pas de lag, pas de saut d'image, et des graphismes magnifiques. En gros, c'est la technique avant tout, et que tout fonctionne. C'est du clé en main, on te donne le truc, hop, démerde-toi, c'est à toi de jouer. Et c'est ce que propose Stadia, d'ailleurs. Stadia, c'est clairement ce qui est proposé. C'est t'arrives, tu branches ta manette, t'appuies sur le bouton home, terminé, hop, t'es parti, tu joues. Ouais, tu rien, pas de temps, mine de rien. Voilà. Alors que par exemple avec Shadow, t'as ce problème-là, cette problématique-là de mes jeux doivent se mettre à jour tout seul parce que c'est un Windows en fait. Voilà. Mais moi je préfère par exemple le Shadow, c'est ce que j'aime bien aussi, c'est que justement j'ai un ordi, je peux faire ce que je veux. Donc après ça c'est au goût de chacun et je comprends par exemple de pouvoir directement la carte clé en main. Pouvoir lancer son jeu sans se demander qu'est-ce qu'il arrive, quoi qu'il arrive, c'est trop bien. Et enfin, et pas des moindres, quatrièmement, le coût pour les développeurs. Savoir comment est-ce que ça va marcher, c'est un autre point intéressant. Combien vont toucher des studios de jeux vidéo en mettant en jeu sur le service de cloud gaming? Parce que, unitairement, comme pour Stadia, par exemple, où là, clairement, bon, t'achètes un jeu comme si t'achètes un jeu physique, ou en démat, ou bien autant, comme pour Black Knot, par exemple, ou pour xCloud, il me semble que ça fonctionne comme ça aussi, autant que les joueurs vont passer à regarder, à jouer au jeu. Finalement, c'est un peu une même manière de rémunération que YouTube, finalement. Sauf que là, c'est pas à la vue, c'est autant d'heures de passer dessus. Et ça, c'est à voir aussi, parce que des studios indépendants, peut-être qu'ils vont se faire déglinguer, parce que tout le monde va y jouer un tout petit peu, quoi, genre une heure ou deux. Enfin, voilà, par exemple, c'est en termes économiques, c'est faut voir à quoi s'attendre, quoi. C'est pas tout à fait exact, c'est pas pareil que d'acheter un jeu unitairement 20€ pour y jouer, quoi. En fait, c'est ça le. C'est tous ces services-là, en fait. Il y en a pas un de préféré, parce que clairement, c'est en balbutiement. Il y a plein de services dont j'ai pas parlé. J'ai pas parlé de PlayStation Now, qui est le service de streaming aussi du côté de PlayStation, qui est pas totalement rodé, mais on pense qu'avec la PS5, ça devrait arriver beaucoup plus fort, ce système justement de jeux en streaming. En fait, pour conclure, c'est très compliqué de voir où le jeu vidéo va arriver, petit à petit. Là, on va arriver sur une nouvelle génération de consoles avec la PS5 et la Xbox Series X, qui sont des consoles qui sont extrêmement puissantes, ils vont coûter plus cher, tout le marché est en train de le dire, qui vont coûter beaucoup plus cher que la PS4, qui coûtait déjà beaucoup plus cher, enfin qui coûtait un peu plus cher que la PS3, qui coûtait plus cher que la PS2. Donc, mine de rien, ça commence à faire des coûts, changer de matériel tous les 7 ans, donc repayer, reclaquer 500 balles tous les 7 ans, ça commence à faire beaucoup pour les consommateurs de jeux vidéo. Alors, on le fait déjà avec nos ordinateurs, avec nos téléphones, de changer régulièrement, mais justement, aujourd'hui, sachant qu'on a la puissance et surtout le temps de calcul externalisé, surtout l'Internet, qui s'est beaucoup plus démocratisé qu'à l'époque, et qui surtout maintenant aujourd'hui, avec la fibre, permet de jouer en ligne sur des postes loin de nous, c'est le futur du jeu vidéo, il est là. Il va être clairement dans l'externalisation, autant du physique que du stockage, ce qui est déjà le cas, et on ne sait pas encore qu'est-ce qui va y être pour l'externalisation, qu'en fait plus personne n'ait besoin de calculer chez soi les trucs à calculer. Je pense qu'en fait, on se dirige là-dessus, et pas que pour le jeu vidéo. Je pense que ça va être pour plein de choses. Pour le travail, pour monter ses épisodes quand on est youtubeur. Enfin, vraiment, je pense que petit à petit, le fait de faire son PC Master Race va petit à petit baisser et perdre l'intérêt. Mais du coup, t'es plus propriétaire. Mais du coup, t'es plus propriétaire de rien. Voilà, c'est l'une des conclusions. Ah oui, mais ça, c'est un modèle économique fabuleux. C'est l'une des conclusions aussi, c'est que du coup, t'es plus propriétaire de rien. Voilà. Mic drop. Après, une d'autres clés aussi, d'autres petites conclusions. Du coup, le piratage sera moins fréquent, parce que même si on a Shadow, là, clairement, tu vas faire moins de piratage parce que t'auras plus de machine physique pour pouvoir faire tourner tes jeux. Donc, du coup, déjà, t'es contraint par un service. Donc, beaucoup moins de piratage. Aussi, mine de rien, c'est moins polluant pour la planète. Le fait de ne pas avoir de machine physique et de ne pas créer de machine physique et de les distribuer partout dans le monde, il y a Greenpeace qui avait fait une étude que je vous conseille d'aller voir, une étude sur justement les coûts des serveurs, en termes énergétiques, etc., comparé au coût que coûterait justement le fait de créer des consoles, que tout le monde est une machine physique, etc. Bah tu vois, je me posais la question, justement, et j'avais cette sensation que ça devait être un énorme, comme je te disais, une énorme usine à gaz, parce qu'ils doivent quand même, il y a en quelque sorte les consoles, les ordinateurs, dans un endroit, en fait. Tout à fait, mais optimisé pour leur endroit, oui, c'est moins polluant, parce que justement, c'est centralisé. C'est un endroit avec la même électricité, les mêmes composants au même endroit. Parce que là, une console de jeu, tu vas créer ta console, la balancer en Chine, en Afrique, en Europe, aux États-Unis, en Amérique du Sud, partout. Donc déjà, t'as tous les coûts de transport. En fait, c'est surtout ça qui font du mal à la planète. C'est ça la différence, en fait. Parce que de toute façon, en plus, toi... Il faudra toujours livrer les manettes, les télés, les ordis, parce que même si t'as un ordi super puissant loin, t'as quand même un ordi à acheter chez toi. Ben voilà, là, t'as toujours un PC. Et puis de toute façon, la consommation électrique, tu vas la faire chez toi. Donc, de toute façon... La pollution, tu l'as fait quand même. Mais c'est, après, il y a plein de débats qui rentrent en ligne de compte. C'est pas genre, oui, mais c'est moins polluant, donc c'est mieux, machin, non. Il y a tout à voir, comme l'a dit Bilou. T'es plus propriétaire de rien dans ce cas-là. T'as plus rien de physique. Donc le jour... Surtout tes données, et puis aussi tes données, quoi. Tes données, elles t'appartiennent plus du tout. Et exactement, tes données personnelles, selon la politique, selon ce qui est appliqué. C'est un marché qui s'ouvre, et qui, à mon avis, va avoir une place ultra importante dans notre futur. Maintenant à voir comment ça va évoluer et puis à voir comment le confinement va faire aussi parce que mine de rien ça bouge pas mal justement par rapport à ces soucis là. On a vu déjà les limites d'internet, hein, y a plein de services qui sont obligés de baisser leur débit pour justement que ça crée pas pour trop qu'on de... puisse faire des podcasts à la con comme celui-là. Voilà, en gros le streaming de jeux, le futur du jeu vidéo. Eh bien, on attendra le futur pour voir ce que ça donne. Eh bien, on attendra le futur, et ça risque effectivement de ressembler à ça, parce que, comme tu dis, c'est du pain béni pour les entreprises qui vont créer tout ça, puisque, comme tu dis, plus de problèmes de piratage, ou en tout cas diminution drastique, nos données ne nous appartiennent plus, plus de problèmes de service client. Nos produits ne nous appartiennent plus, donc ça, c'est du pain béni, hein, ça c'est sûr, pour nous contrôler davantage, mais c'est le futur radieux qui nous attend, visiblement. Et bah sur ce, Valentin, je vais te proposer de nous présenter un petit peu l'ambiance sonore que tu nous as choisie pour cette session. J'ai clairement piqué ça à Karim Debbache. C'est donc le la musique de Brother Dedge qui s'appelle Hard Road to Hoe et qui est une musique country absolument fantastique. Ça met de l'énergie, ça met voilà, excellent. Eh bien, on s'écoute Hard Road to Hoe de Brother Dedge tout de suite. C'est parti. Eh bien, c'était Brother Dedge, ou Didji, peu importe. Et alors, tu nous disais par rapport à Karim Debbache, et j'ai pas la référence finalement. Mais c'est le début de l'épisode 3, il me semble, de Crust. Ça s'appelait Spotify et rempli de musique comme ça, enfin de bonnes surprises musicales. J'adore ça, quoi. Il sait choisir les morceaux pour ses montages. Et ça inspire. Eh bien, sur cette musique du Grand Ouest, nous allons écouter notre ami de l'Est. Bilou oh. qui va... très beau, très beau. On fait ce qu'on peut. Très belle transition, PPD. Ça va, j'ai fait pire. J'ai largement fait pire dans ma vie. Bilou, tu vas nous parler des news médias de ces dernières semaines. Voilà, j'ai choisi des petites news. Au lieu de faire une grosse chronique sur un sujet, j'ai choisi des petites news. Et je voulais les dire, quoi. Vous informer, voilà, c'est mon métier un peu. Alors, donc pour commencer, alors, vous savez hein, qu'on est en plein confinement en ce moment. Je sais pas si vous êtes passé à côté de tout ça, non? Vous avez vu? Bah, j'ai entendu confiné, mais ça me dit rien. Enfin, je suis pas un peu de fromage, c'est ça? Et ben, du coup, donc on est confiné, et il y a pas que nous, il y a aussi des gens qui ont des enfants. Et il faut bien les occuper, ces enfants. Alors, il y a des initiatives qui sont mises en place pour que les gosses s'ennuient pas trop, et surtout que les parents puissent souffler un peu. Et d'ailleurs, bah, Lucie aussi, j'ai vu qu'elle faisait ça. Avec son association de médiation culturelle, elle lit des livres pour enfants, c'est ça ? Donc oui, j'ai créé une association de médiation culturelle autour des livres qui s'appelle Un Brin de Folio. Et donc, j'ai une page Facebook, hein, Un Brin de Folio, sur laquelle je propose effectivement alors des audiolivres, voire pas spécifiquement pour enfants. Hein. Là, d'accord. Il se trouve que c'est donc L'Enfant et la Rivière d'Henri Bosco, c'est effectivement un livre jeunesse. Mais voilà, je compte pas forcément me limiter qu'à des livres jeunesse. Et puis, je propose aussi un petit peu des petits jeux autour du livre, des extras devinés, des couvertures à reconnaître, voilà. Histoire de faire vivre un petit peu l'association en faisant venir le public à moi si je ne peux pas faire venir si je ne peux pas aller directement au public, voilà. Un Brin de Folio, c'est un très bon titre, je trouve. Vous pouvez retrouver ça, ce sera dans la description pour ceux qui regardent sur YouTube, au nom de Un Brin de Folio. Voilà, donc je disais, donc elle fait ça, mais elle n'est pas la seule. Je ne sais pas si c'est elle qui les a inspirés, mais il y a d'autres gens qui font ça. Il y a Patrick Stewart, qu'on connaît comme le professeur Xavier dans les films X-Men, et surtout comme le lieutenant Picard dans Star Trek. Il s'est lancé, lui, dans la lecture de sonnets de Shakespeare pour ses abonnés. Sachant qu'il a 3,3 millions d'abonnés, il y a de nombreuses personnes qui ont pu être apaisées par sa voix. Une voix bien posée, bien douce. Si vous allez sur sa page Twitter, vous pouvez voir, il met régulièrement des lectures des sonnets de Shakespeare, c'est très sympa. Et il n'est pas le seul à faire ça. D'ailleurs, il n'est même pas le seul de Star Trek à faire ça. Parce que je ne sais pas si vous voyez qui c'est, LeVar Burton. Alors le nom, non, je ne vois pas. Il jouait Geordi LaForge. Oui, mais il a joué dans Big Bang Theory à un moment donné. Il joue le rôle justement de l'acteur. En fait, aux États-Unis, c'est un peu une icône. C'est un peu une icône geek à la façon des mecs de C'est pas sorcier chez nous un peu, tu vois. Mm-hmm. Comment tu m'as dit qu'il s'appelait ? LeVar Burton. C'est le jeune acteur de Star Trek qu'on voit dans tous les épisodes de Big Bang Theory ? Il est noir. Oui. Bah non, c'est pas lui alors. Toi, tu le confonds peut-être avec Will Wheaton. C'est ça, c'est Will Wheaton. Ah, Will Wheaton, oui. C'est pas Will Wheaton. Je ne vois pas du tout qui est cet acteur. Ouais. Donc LeVar Burton, qui est. Donc il a joué dans Star Trek et il avait aussi une émission qui a beaucoup marqué la jeunesse américaine dans les années 90. Et cette émission, elle encourageait déjà les enfants à lire. Et c'est pour ça que je disais que c'est un peu une icône, un peu à la manière des mecs de C'est pas sorcier. Ouais. Du coup, lui, il a maintenant un podcast. Il en profite dans ce podcast pendant le confinement pour lire des livres pour enfants. Et donc, on a vu qu'il y a même Neil Gaiman, l'auteur d'American Gods, qui lui a dit qu'il avait totalement l'autorisation de prendre tous les bouquins qu'il voulait de ses bouquins pour les lire pendant ses podcasts. Donc, il va lire, je ne sais pas si vous voyez, il a fait Coraline pour les enfants, par exemple. Mmh. Oh. Donc, il va pouvoir lire Coraline pour les enfants en direct, parce qu'il fait des podcasts en direct. Je trouve ça très sympa. Et il y a aussi un autre acteur qui fait un truc comme ça, c'est Josh Gad. C'est un acteur principalement de comédie américaine. Je sais pas si vous voyez qui c'est, on le connaît surtout pour faire la voix d'Olaf dans La Reine des Neiges. Et ben lui, il a sur son compte Twitter, tous les soirs, il vient sur Twitter, il s'enregistre, il lit une histoire pour enfants. Tous les soirs, il annonçait qu'il ferait ça pendant la durée de la quarantaine. Et pour l'instant, il s'y tient. Tous les soirs, une histoire pour enfants. Voilà, je trouvais sympa de regrouper des petites initiatives comme ça, comme ce que fait Lucie. C'est beau de voir tous ces gens qui s'investissent justement pour créer un contenu. C'est des beaux cadeaux, je trouve. Ouais. Est-ce que t'en as d'autres à citer ou pas ? Là, je vois que ceux-là, mais je suis sûr qu'il y en a d'autres. Ok. Alors moi, il y en a un qui est fantastique que vraiment à chaque fois que je le vois, genre j'ai mon cœur qui fond là, parce que c'est trop bien. C'est Jamy. Patrick Sébastien. Ah non. C'est Jamy Gourmand, oui, Jamy, justement, forcément. De Jamy, de Fred et Jamy qui C'est pas sorcier, qui fait tous les jours un truc de science qui explique le soleil, qui de savonner les mains correctement, le PQ, exactement. et surtout, du coup, il refait les petits schémas qu'il y avait dans C'est pas sorcier. Oui, j'ai vu ça. Ouais. Il fait même les petits... en sifflant et tout, c'est trop bien. C'est genre... Voilà, c'est un peu le retournement en enfance, si tu veux. Et du coup, tu vois, t'as ce truc du genre, putain, mais c'est trop cool, quoi. Eh ben, LeVar Burton, ce que tu ressens en ce moment pour Jamy, c'est exactement ce que les Américains ressentent pour LeVar Burton, tu vois, de voir faire ça. Complètement. Non, mais c'est pour ça que j'attendais que tu termines pour voir si t'allais en parler. Mais c'est trop bien, quoi. Et c'est vraiment cool de voir ce que, dans ces moments qui sont un peu compliqués, de voir comme il y a des gens qui, ils pourraient ne pas le faire. Oui, complètement, ouais, exactement. Ouais. Qui décident prennent les pouces. De faire ça, je trouve ça cool. Voilà, bon. C'est des beaux cadeaux, quoi, ouais. On va passer à la deuxième news. Tu vois, je me fais mon propre jingle. Deuxième news. T'attends. Alors, la dernière fois, on a parlé, dans le dernier épisode, on a parlé de l'adaptation de la série The Witcher sur Netflix. Tout à fait. Et bah, on dirait que le succès de la série a inspiré HBO. Parce que HBO a annoncé la production d'une série The Last of Us. Exactement. Donc, ils ont probablement vu que l'adaptation d'un jeu vidéo a très bien marché, et ils ont annoncé qu'ils allaient produire la série The Last of Us. Qui plus est, elle est produite et écrite par Craig Mazin, le créateur de la série qui a probablement été le plus salué par la critique l'année dernière. C'est Tchernobyl. Mmh. Vous avez vu, vous, Tchernobyl ? Pas vu, mais entendu parler. C'est pareil, il faut que je regarde. Tchernobyl, ça fait partie des trucs. Hein. Alors, c'est une mini-série qui est vraiment excellente, qui a une ambiance limite de film d'horreur, qui est... Franchement, je vous la recommande mille fois. Et rappelle-nous où on peut voir Tchernobyl ? Sur HBO. Alors, il me semble qu'en France, ça doit être sur OCS. Ok. Donc, moi, je vous recommande, si vous n'avez pas OCS, d'appeler votre tonton américain qui vous envoie la VHS, quoi. Ouais, complètement. Bon, après, je sais que les adaptations de jeux vidéo, c'est vraiment casse-gueule. Hein. Rien que celle dont tu nous as parlé tout à l'heure, Fabien, elle a l'air assez casse-gueule. Mais vu comme The Last of Us, à la base, c'est un jeu quand même très scénarisé. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de faire, il y a moyen de faire quelque chose de bien. Et surtout, il faut savoir qu'il y a Neil Druckmann, qui est celui qui a écrit et aussi supervisé la réalisation du jeu The Last of Us, qui va travailler vraiment main dans la main, quoi. Il va travailler main dans la main avec Craig Mazin, le mec de Tchernobyl, sur l'adaptation de son jeu. Ils vont pas juste se renvoyer la balle, ils vont vraiment travailler ensemble sur le projet. Donc, je pense vraiment que ça augure que du bon, pour le coup. Encore un point que t'as pas cité, c'est que même le compositeur des musiques de The Last of Us sera de la partie pour la série. Et c'est juste trop cool parce que les musiques dans le jeu font une ambiance fantastique. Et comme tu l'as dit, sachant que c'est un jeu déjà très scénarisé et que Neil Druckmann, en plus, se rajoute au projet, est vraiment main dans la main. Pour le moment, il y a que des bons signes, quoi. Il y a que des drapeaux. Putain, ouais. Ah, pour l'instant, vraiment, si ça fait vraiment un bon truc, enfin, si ça continue comme ça, ça va être une tuerie. Ouais, on a l'impression qu'ils ont envie de faire ça bien, quoi. Ouais. T'as joué au jeu, Bilou, du coup ? Ouais, je l'ai pas fini, parce que pour des raisons financières, j'ai dû revendre ma PS3 à l'époque. Mais je compte bien le finir un jour. Et voilà, du coup, j'en attends beaucoup. En plus, c'est HBO. Il y a les mecs qui ont fait le jeu, qui vont travailler dessus. Il y a le mec de Tchernobyl, qui est vraiment une série incroyable, qui va travailler dessus. Donc là, pour le moment, puis comme tu disais, il y a le mec qui fait les musiques. Pour le moment, je vois pas où est-ce que ça peut mal tourner. Hein. Ouais. On verra. Il y a pas le casting qui avait fuité aussi. Pas encore, non. Il y a des rumeurs, des trucs comme ça. Ouais, il y a des rumeurs, ouais. Est-ce qu'ils auront Ellen Page ? Non, je pense pas qu'ils auront Ellen Page. Elle est trop vieille maintenant. Hein. Oui, bah ils pourraient faire. Mais elle n'est jamais vieille. Tu rigoles ou quoi ? Non, mais pour le moment, ils ont annoncé quelle est la production. Donc... Parce qu'effectivement, je le précise pour ceux qui savent pas, mais Ellen Page avait servi de modèle pour un des personnages du jeu, vaguement inspiré. Il y a même eu une polémique parce qu'elle ressemblait beaucoup trop à Ellen Page. Ils ont un peu changé sa tête après. Je trouverais ça juste énorme de renvoyer la balle justement et d'avoir vraiment Ellen Page castée pour la série. Ce serait assez drôle pour l'ironie de la chose, quoi. T'es sûr pour The Last of Us que tu dis sur Ellen Page ? Il me semble qu'elle avait pas donné son autorisation. Hein. Oui, justement, il y a eu une polémique par rapport à ça. Ah d'accord, c'est ça que tu dis. Ok, d'accord. Il y avait eu deux jeux qui sortaient à l'époque. C'était oui, il y avait Beyond Two Souls en même temps. Beyond Two Souls et il y avait The Last of Us. Et le problème, c'est que dans The Last of Us, il s'était beaucoup inspiré d'Ellen Page pour faire le personnage oui, d'Ellie, voilà. La d'accord, petite fille. Okay. Et comme elle ressemblait beaucoup trop à Ellen Page, ils ont ensuite ils ont mangé le modèle et ils ont fait qu'elle lui ressemble moins à cause de l'autre jeu avec Ellen Page. Où là, c'était officiel. Voilà, qui était officiellement scanné en 3D, qui prêtait sa voix et ses gestes au personnage, quoi. Ok, bon, alors, je vais passer à la troisième news. Alors, est-ce que vous connaissez... je pense que oui, vous connaissez Taika Waititi ? Oui ! Je vais dire son nom. Vous aimez Taika Waititi ? Oui ! C'est bien, les enfants ! Oui, capitaine ! Et ben, c'est Taika Waititi qui vit dans la mer. Taika Waititi. Et ben, sachez qu'il s'apprête à réaliser, non pas une, ma petite dame, mais deux séries animées pour Netflix. Et deux séries animées pour Netflix sur Charlie et la chocolaterie. Ah oui, c'est vrai. J'ai vu ça tourner. Et il y a d'autres trucs qui sont agréablement surprenants qui vont arriver, tu vas voir. Enfin, moi, je suis trop content de ça. Mais du coup, quelques semaines après avoir gagné son Oscar pour Jojo Rabbit, un film bizarre sur un enfant dans les jeunesses hitlériennes avec Hitler comme ami imaginaire, et ben, il passe tout autre chose, ou pas d'ailleurs. Et ben, il va écrire, produire et réaliser deux séries animées sur le roman de Roald Dahl. Charlie et la chocolaterie. Donc ce sera pas une première saison, une deuxième saison, c'est vraiment deux séries à part. La première série sera basée sur le monde et les personnages de Charlie et la chocolaterie. Et la deuxième série qui m'intéresse déjà beaucoup plus, sera entièrement centré sur les Oompa Loompa. Et ça, je trouve ça trop cool, franchement. Je trouve ça trop cool. Je sais pas, j'espère qu'on va aller voir monter un gros syndicat bien vénère et qui vont dégamer ce tyran capitaliste qui est Willy Wonka. Je trouve ça serait trop cool, quoi. Si je peux faire les paris. Vas-y. Je pense que non. Bon, en tout cas, bravo. Je pense que non. À voir, effectivement, s'il va adapter le livre, enfin, l'histoire de Charlie et la chocolaterie, ou s'il fait un 20 ans plus tard où Charlie est devenu adulte. Je vois presque plus un après. Charlie et la chocolaterie où Charlie reprend les rênes et là éventuellement pourquoi pas une petite histoire de syndicat de Oompa Loompa, mais la série des Oompa Loompa, je pense que ça va plus être l'occasion d'aller dans leur pays lointain exactement ouais. et de justement de bien différencier les deux séries avec d'un côté la jungle des Oompa Loompa et de l'autre la fabrique de la chocolaterie et à mon avis enfin je sais pas mais je pense que ça pourrait être bien qu'il prête son apparence ou sa voix, le Taika Waititi, au Oompa Loompa. Je trouve ça vraiment cool que ce soit que des plans de Taika Waititi, quoi. Je le sens venir gros comme une maison aussi. Donc je sais pas, vous êtes hypé par ça, enfin par une série. Ah bah grave, ouais. Surtout par lui, ça peut être vraiment très sympa. Et faut savoir que Netflix a acheté les droits de toute la bibliographie de Roald Dahl. Ah ouais. Donc ces deux séries qui vont se dérouler dans l'univers de Charlie et la chocolaterie. Bah, ce sera probablement pas des dernières séries Netflix adaptées de livres de Roald Dahl. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'en ce moment, Netflix, ils sont en train de chercher ce qu'ils appellent des high profiles, donc des gens importants, tu vois, comme Taika Waititi, pour adapter les séries Matilda, que donc moi j'adore. Ah vraiment, ouais, ok. Le Bon Grand Géant aussi. Ah ouais. Il y avait eu un film de Spielberg dessus il y a pas très longtemps. Moi, j'ai pas du tout suivi ce que c'était. Mais... Oui, le BGG, le gros beau gosse. Le gros beau gosse là. Ouais. Et moi, en tout cas, Mathilda, je sais pas si vous souvenez du film, mais j'adorais moi perso. Moi, ouais, il est très bien le film. C'était fait par Danny DeVito avec Danny DeVito. Qui faisait un personnage dégueulasse. Ouais, c'était glauque hein, quand même. Comme, ouais, assez. Ouais. C'était trop bien. C'est marrant que donc, le mec voilà, réalise un film dans lequel il joue vraiment le dernier des enculés ouais, quoi. Allez. On va passer à une autre news qui est aussi glauque en fait, pardon. Alors si vous pensiez avoir passé un mauvais mois, je vous demanderais de faire de preuve un petit peu de compassion s'il vous plaît. J'aimerais que vous pensiez à quelqu'un qui a souffert aussi ces dernières semaines. C'est pas ouf ce qui lui est arrivé. Donc s'il vous plaît, pensez à Harvey Weinstein s'il vous plaît. Le pauvre, il a été condamné à 23 ans de prison début mars, c'est pas facile. Et en plus on l'a appris il y a quelques jours qu'il avait attrapé le coronavirus en prison. Comme quoi, il y a une petite justice, quoi. Bah écoute, cool. Je ne suis pas favorable à l'idée de vouloir du mal aux gens, et je ne finirai pas cette phrase. Mais, voilà. Sinon, une autre news, c'est sur The Office. Donc, vous avez regardé, vous, The Office ? Nope. Quelques épisodes. Alors, je vous le conseille vraiment, moi j'adore, mais bon. J'ai deux nouvelles à propos de The Office. The Office anglais ou américain ? Alors là, je vais parler de l'américain. Toi, t'as vu laquelle ? J'ai vu la première saison de la version américaine. D'accord. Et bah, il faut savoir que dans cette période de confinement aux États-Unis, The Office, ça reste la série sous licence, c'est-à-dire que c'est pas une série originale de Netflix, tu vois. Ça reste la série la plus regardée aux États-Unis. Et c'est ça depuis des années et des années, quoi. Et là, pendant la période de confinement, ça... De toute façon, il y a plein de séries qui ont été boostées. C'est pareil, The Wire, ça a été multiplié par 3 leur chiffre de The Wire sur Giona. Donc c'est tout bénef pour eux. En même temps, bon, c'est une série qu'on... The Office, c'est une série qui se regarde, qui se re-regarde, qui se re-re-regarde à l'infini. Les gens, ils la mettent souvent en fond. C'est comme une petite musique pour eux. Il y a plein de témoignages de gens qui mettent cette série en fond. Et en même temps, il faut qu'ils profitent, parce que 2020, c'est la dernière année où Netflix aura les droits de The Office. Parce que comme je vous le disais la dernière fois, dans le dernier Abonné Absent, et bah, il y a en ce moment une guerre des plateformes, et en janvier 2021, la série va partir directement sur NBC. Donc, c'est encore une série qui marche énormément pour Netflix, qui va se barrer. Donc voilà, et ensuite, toujours par rapport à The Office, si vous demandez aux fans si la série est bonne tout du long, donc toi, t'as vu que la première saison, et 99% vous répondront la même chose. La première saison, elle est sympa sans plus. Après, de la saison 2 à la 7, la série devient excellente. Elle est hilarante, elle est touchante, etc. Puis après, à la saison 7, là, c'est le drame. La qualité baisse drastiquement. Donc toi, t'es d'accord pour la saison 1 ? T'as trouvé ça sympa sans plus ? Ou t'as même pas aimé ? Ouais, j'ai beaucoup aimé. C'est vrai que j'ai pas vu ce truc extraordinaire, mais il y a une belle culture du cringe ouais, qui me séduit bien. Mais je te conseille, si t'as vu que la première saison, je te conseille d'aller encore plus loin, parce que c'est, après ça devient vraiment excellent, quoi. Et donc pourquoi est-ce que la qualité baisse drastiquement après la saison 7? Changement de showrunner? Non, c'est toujours resté les mêmes showrunners. C'est parce que Steve Carell ne revient pas à la saison 8. Et donc Steve Carell, c'était donc Michael Scott, c'était l'élément central un peu de la série. Et ce qui est drôle, c'est qu'on a appris pourquoi il était parvenu. Les fans à l'époque, ils étaient très déçus, voire même tristes de voir Michael Scott partir. Et surtout, on n'a jamais su, à l'époque, on ne savait pas pourquoi il avait quitté la série. Et bah, faut savoir que s'il est parvenu après la saison 7, c'est pas de son choix. Selon plusieurs membres de la production de la série, et même des directeurs de casting qui ont confirmé ça récemment, si le contrat de Steve Carell n'a pas été renouvelé, c'est parce que des mecs haut placés chez NBC ont été vexés par Steve Carell. Ouais. Il faut savoir que lors d'une interview radio, donc vraiment une interview obscure, quoi, qui est dans une radio juste pour la promotion de la saison 7 de la série, le présentateur, il a demandé à Steve Carell s'il allait continuer après cette saison. Et Steve Carell a juste dit qu'il ne savait pas encore s'il allait continuer après la saison 7. Il n'avait pas encore pris de décision. Et cette simple déclaration a vexé quelqu'un chez NBC. Et lorsque l'agent de Steve Carell a contacté NBC pour les laisser savoir qu'il voulait re-signer pour 2 saisons, ils ne l'ont jamais rappelé, ils ne lui ont donné aucune réponse. NBC a fait la sourde oreille, ils ne prenaient pas ses appels et tout. Et ils n'ont jamais recontacté Steve Carell ou son agent. Ils ont juste dit aux auteurs, vous faites la prochaine... Vous faites sans Steve Carell, quoi. Ça me paraît étonnamment con comme, comme raison. Mais ouais, mais moi, je trouve ça fou, parce que sachant que The Office était la série qui marchait le plus à l'époque... Et que Steve Carell était probablement l'acteur le plus bankable de la télé. Et le plus blanc aussi, ouais. Oui, aussi, le plus blanc de la télé. Et juste parce qu'un gars chez NBC a été vexé, ils l'ont pas recontacté. Je trouve ça incroyable. Personnellement, ça me... Par contre, s'il avait insulté le mec directement, il l'aurait assassiné, donc... ouais, c'est clair. T'imagines ? Il aurait fait une John Wick sur Steve Carell. C'est des mondes quand même où il y a des histoires d'ego, hein. Faut penser à ça aussi, hein. Mais c'est un choix débile en plus, parce que clairement, Steve Carell, c'est le personnage principal, ou central en tout cas, il n'y a pas de logique. C'est pas une question. Le mec, il a pas réagi par logique. Je trouve ça très bizarre. Par orgueil, quoi. C'est un arbre qui cache la forêt. Et moi aussi, hein. Je trouve ça très bizarre, parce que je me dis qu'il y a probablement couché avec la femme du gars de chez NBC ou un truc comme ça. C'est pas possible. Tu vois, c'est pas genre une seule personne qui raconte cette histoire. Ils sont vraiment beaucoup à dire que c'est ce qui s'est passé. Donc, on sait pas, mais bon, je trouve ça quand même incroyable. Officiellement. C'est la version officielle qui est sortie il y a quelques jours. Là. Et donc, dernière news, on va finir avec ça. Est-ce que vous trouvez pas que l'année 2020 est un peu bizarre pour le moment? Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. L'année 2020 était retardée, en fait. Là, on est dans une espèce de hiatus. Oui, on oscille, là, on sait pas trop où on est, quoi. Entre les feux qu'ont détruit la faune et la flore en Australie, les tensions entre la Russie, les États-Unis, l'Iran, la Chine, etc. Puis cette pandémie qu'on s'est pris dans la gueule, et surtout, l'annulation de l'Eurovision, dont je me remets pas. C'était très très dur de faire ce podcast, parce que je pleure depuis une semaine, là, à peu près. En vrai, blague à part, je suis vraiment déçu. Mais bon, passons au truc. On est dégoûté. Ouais. C'était notre petit rendez-vous annuel aussi. En plus, on faisait très souvent un Skype avec mon frangin pour faire les commentaires en même temps. Donc, voilà. Mais alors qu'ils auraient pu le faire chez eux, ils auraient pu webcam, un micro. Franchement, Skype sponsorisait ça, Discord sponsorisait ça, et il y avait moyen de faire un truc, quoi. Hashtag sauver l'Eurovision, quoi. L'Eurovision à la maison. Et donc, dites-vous bien que c'était pas le pire que l'année 2020 nous a réservé. Est-ce que vous connaissez l'émission The Masked Singer? Non. Oui, enfin, j'ai vu les affiches, c'est le truc de TF1. Ah oui, c'est un truc en France, là, ouais. J'étais en train de me dire que c'était un truc anglais, mais donc, c'est une émission américaine, adaptée d'une émission coréenne qui s'appelle King of the Mask en Corée. Aux États-Unis, ça s'appelle Masked Singer. En Corée, ça s'appelle King of the Mask. Et en France, c'est arrivé sous le nom de Mask Singer. Voilà. Et bien, le principe, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous expliquer. Le principe, c'est un télécrochet où des célébrités dont on ne connaît pas l'identité chantent costumées de gros costumes de furie. Par exemple, un gros costume de lapin, un gros costume d'abeille, un gros costume de lion. Et ces célébrités, elles chantent chaque semaine devant un jury, et chaque semaine, il y a un éliminé, et au moment de son élimination, il y a tout un rituel où il retire son masque, et on découvre qui était la célébrité sous ce masque. Ah mon Dieu, c'était Céline Dion. Et tout le monde est surpris. Il n'y a pas que des chanteurs, c'est ça qui fait la surprise. Ah d'accord, ok. Et tout le monde est surpris, donc que ce soit le spectateur ou même le jury, parce qu'il y a un jury qui est composé de célébrités, et il est censé ne pas savoir le jury. Bon, j'en doute un peu, mais ils disent que le jury ne savent pas. Par exemple, le vainqueur de la saison 1 aux États-Unis, c'était T-Pain. T-Pain, c'est un chanteur qui est connu pour... qui a popularisé le vocodeur, pas le vocodeur, mais le... Comment on dit L'autotune. L'autotune. Et on s'aperçoit qu'en fait, le gars, il chante trop, trop bien. Il a une réputation de mec qui chante mal parce qu'il y a de l'autotune, mais en fait, il a une voix de ouf. Donc, donc voilà. Dans la saison 1 aux États-Unis, c'est T-Pain qui a gagné. D'accord. Parce que juste, je suis désolé, mais j'ai tapé T-Pain sur Google et je suis tombé sur les... T'as écrit ça comment? T-Pain. Et je suis tombé sur des sandwichs bretons. Bah non, T-Pain, je l'ai. T-Pain, je l'ai. Hein. C'est T-Pain, si tu veux écrire. T-Pain, enfin oui, ouais, T-Pain. C'est T-Pain, comme ça. Cette information n'a pas été transmise, d'où la confusion. Donc c'est un sandwich. C'est bien un sandwich qui a gagné la saison 1. En tout cas, il était déguisé en sandwich, si vous voulez savoir, voilà. Ouais. Non, il était déguisé en monstre. Lui, c'était... Ils ont tous un nom. Lui, son nom, c'était le monstre pendant l'émission. Et bah donc, dans la saison 1 aux États-Unis, c'est T-Pain qui a gagné. Et la grande gagnante en France, dans la saison 1, c'était Laurence Boccolini. Diantre. C'est un autre niveau, quoi. Elle chantait bien, Laurence Boccolini? Alors franchement, j'ai pas vu, mais je pense qu'elle a gagné. C'est probablement qu'elle chantait pas trop mal. C'est vraiment, quoi, mais... c'est un concours de chant normalement. Quoi. Ouais, c'est vraiment un concours de chant. Personne sait qui c'est dedans, dans les masques. Quoi. C'est concours de celui qui a le meilleur costume de furry, quoi. Ah non, pas du tout. Le principe du costume, c'est juste qu'on sache vraiment pas qui est sur scène en train de chanter, quoi. Ok. Donc aux États-Unis, ils ont même eu des joueurs de foot, des joueurs de basket, des acteurs, des trucs comme ça, ce genre de personnes qui sont pas du milieu du chant. Là, je vois, il y avait David Douillet. En France, il y avait David Douillet. Ouais, en France, il y a eu David Douillet. Enfin, voilà. Et du coup, comme je vous le disais, en 2020, l'année 2020 est très bizarre. Et pour vous le prouver, je vais vous mettre une image sur le Discord du costume de l'éliminé de la semaine dernière aux États-Unis. Et je vais vous demander de deviner qui était la personne à l'intérieur de ce costume. Donc, pour les auditeurs, je vais vous décrire cette image le plus précisément possible. Je vais me permettre de mettre l'image exceptionnellement YouTube. Du coup, les abonnés absents qui pourront regarder sur YouTube verront l'image à ce moment-là. Et je te permets de la décrire le plus précisément possible, Bilou. Donc, c'est horrible. Pour les auditeurs, je vais vous décrire cette image le plus précisément possible. Alors, on est sur une scène du genre de la Star Academy. Scène très colorée. Et il y a une personne en costume d'ourson avec des très longs poils. Des très longs poils multicolores, tout rose, avec des taches bleues claires et violettes. Un costume avec des longs cils et une truffe bleue. Un petit ourson avec des longs cils et une truffe bleue. Cet ourson a une belle jupe de la même couleur que le costume, c'est-à-dire tout rose avec des taches bleu ciel et aussi des barésilles de la même couleur, tout rose avec des taches bleu ciel. Et pour finir le tout, des moon boots toutes roses flashy avec des très longs poils rose et blanc. Voilà, donc maintenant je vais vous demander de deviner qui était à l'intérieur de ce costume la semaine dernière. On est en France là, c'est ça? On est aux États-Unis. On est aux États-Unis. Déjà, j'imagine que c'est un homme. C'est une femme. Bah, je dirais Lady Gaga, moi. Par exemple, si tu me dis c'est Lady Gaga, je suis pas surpris. Bah non, c'est trop évident. Si tu me dis c'est The Rock, si c'est Dwayne Johnson, là je suis très étonné. Voilà. Moi, ça me surprend encore plus que The Rock, tu vois. Britney Spears. Bah, c'est pas surprenant non plus, je trouve, mais. Déjà, posez-moi des questions. On va se faire un peu les grosses têtes. Posez-moi des questions en mode. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Est-ce qu'elle est chanteuse? Est-ce qu'elle est chanteuse? Elle est pas chanteuse. C'est une actrice. Une actrice. Ce n'est pas une actrice. Une présentatrice télé. C'est Oprah. C'est pas une présentatrice télé, ce n'est pas Oprah Winfrey. Est-ce que c'est une femme politique? C'est une femme politique. Est-ce que c'est Hillary Clinton? Ce n'est pas Hillary Clinton. Est-ce que... je sais. Sarah Palin. C'est Sarah Palin. C'est Sarah Palin. C'est putain de Sarah Palin. C'est Sarah Palin qui est à l'intérieur de cet ourson. Voilà, je pense que... Je suis... Effectivement, plus surpris. Et on la voit, il y a un extrait d'elle en train de rapper. Sarah Palin qui rappe dans un costume d'ourson rose. Franchement, je sais pas où va 2020. Moi, je comprends plus rien. Donc, du coup, maintenant, on demande pour 2021 à TF1 de caster Marion Maréchal ou Marine dans un costume d'ourson. Ça nous ferait beaucoup rire. Je pense que Marion Maréchal le ferait. Franchement, elle serait capable. Non, moi, veux Christine Boutin en ourson sexy. Déguisée, parce qu'on aurait Christine Boutin déguisée en éléphant, ça ferait en céleste dans Babar, et ça ferait une super référence au fait qu'elle est mariée à son cousin, moi je dis. Super. Yes. Je valide. Mais après, c'est dur de la rendre plus sexy que ça. Avec un gros costume de furry, elle sera plus sexy pour certaines catégories de personnes, en tout cas. Voilà. Du coup, voilà, c'était ma dernière news. Je pense que c'était très important. Je pense que c'est la news la plus importante qu'il fallait que je partage. C'est ce que j'appelle terminer en beauté. Au millimètre près. Eh bien, Excellente surprise, et je vois que tout le monde a préparé un quiz finalement aujourd'hui, c'est bien. Sur ce, Bilou et ses nouvelles qui sont plutôt réjouissantes pour la plupart, et ça fait du bien d'être réjoui. Je suis bien content d'avoir passé ce très bon moment avec vous, et je vais te demander donc Bilou de nous introduire le morceau que tu veux nous proposer cette session. Oui, c'est un morceau par Léo Le Bug, qui est un remix de la chanson du Pudding à l'arsenic d'Astérix et Cléopâtre, du dessin animé Astérix et Cléopâtre de 1968, avec la chanson The Message, qui est un rap du groupe Grandmaster Flash de 1983. Eh bien, on s'écoute ça, le Pudding à l'arsenic remix par Léo Le Bug. Take the noise, got no money to move out, I guess I got no choice. Rats in the front room, brothers in the back, junkies in the alley with a baseball bat. I tried to get away, but I couldn't get far, cause a man with a tow truck repossessed my car. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a couple sometimes, it makes me wonder how they keep from going underhead. Standing on the front seat, hanging out the window, watching all the cars go by, roaring as the breeze is blowing. Petit plat à pain, pied qui ressent de lézard, la balle de pain, la coudre. Et un peu de sucre en poudre. All the creeps, so she could tell her stories to the girls back home. She went to the city and got so giddy. She had to get a pimp, she couldn't make it on her own. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. Hey. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. Pâtisserie, empoisonnée. La balle de pain, c'est la coudre. Et un peu de sucre en poudre. It's just not healthy. All my children in the daytime, Dallas at night. Can't even see the game or the Sugar Ray fight. The bill collectors to ring my phone, scare my wife when I'm not home. Got a bum education, double digit inflation. Can't take the train to the job, there's a strike at the station. Neon King Kong standing on my back, can't stop to turn around. Broke my sacroiliac, a mid-range migraine, cancer membrane. Sometimes I think I'm going insane, I swear I might hijack a plane. C'était le remix du Pudding à l'arsenic, une chanson juste exceptionnelle, d'un film exceptionnel, à l'animation complètement aux fraises, mais qui est absolument géniale. Et ce remix est absolument cool, hein, c'est clair. Ouais, vraiment trop trop bon, quoi. Sur ce, je propose qu'on termine de manière chill sur quelques recommandations, puisque en cette période où on a pas mal de temps, quand même, qu'est-ce qu'on peut voir, qu'est-ce qu'on peut regarder? Il y a aussi des trucs... voilà, dont on peut profiter, peut-être des lectures de célébrités, des livres audio qui sont disponibles comme ça. On va commencer avec Bilou. Alors, moi, je vais vous recommander quelque chose que je n'ai pas vu encore, mais que je vais regarder ce soir. Mais franchement, ça a l'air trop bien. C'est La folle histoire de Joe Exotic. C'est l'histoire d'un gardien de zoo de l'Oklahoma condamné à 22 ans de prison pour avoir voulu faire tuer une rivale, qui est en fait une gardienne de tigres, elle, les sauvegarde. Et lui, il a abattu certains de ses propres tigres. Donc Netflix a sorti un documentaire qui apparemment est trop bien dessus. C'est un personnage, le gars. Outre qu'il a essayé de tuer cette meuf, c'est un personnage. Il a une bonne grosse coupe mulet, il a des tatouages partout, une Harley Davidson. Il s'est fait appeler Joe Exotic. Il est fermier, il est chanteur de country, il est politicien. C'est un personnage que vous pouvez voir dans ce documentaire dont j'ai retrouvé le nom, qui s'appelle Tiger King, le roi des tigres. Et qui, d'après ce que je comprends, est plutôt orienté humoristique tout de même, ou c'est ce genre de documentaire sur des gens dérangés, un peu dérangeants ? On se moque un peu de lui à travers ce documentaire, apparemment, d'après la bande-annonce. Du coup, c'est plutôt drôle, je pense, tout en voyant le côté un peu dérangé du gars qui a quand même essayé de faire assassiner sa rivale et qui a buté ses tigres. C'est vrai que ça a l'air d'être un personnage extrêmement spécial. Valentin, est-ce que tu as quelque chose à nous recommander en cette période ? Ce sera plus un outil que je recommanderais, car on l'a utilisé pas plus tard que cette semaine, pendant cette période de confinement. C'est le Remote Play de Steam, un système qui permet de jouer à des jeux locaux multijoueurs en ligne, et donc en fait c'est ton ordinateur qui est streamé vers les personnes qui, avec qui tu veux jouer. Donc par exemple des jeux comme Stick Fight ou des jeux comme Towerfall Ascension, et bien si vous avez une bonne connexion l'un comme l'autre, et bien vous pouvez jouer en local à des jeux multijoueurs, et c'est toujours bien pour passer le temps. N'hésitez pas à utiliser Remote Play qui fonctionne du feu de Dieu. Voilà. Très bien. Lucie, une petite recommandation, quelque chose, une lecture ? J'ai déjà parlé de Rachel Maxi. Non. Ça me dit rien. Donc, c'est une vidéaste sur YouTube que j'ai découvert, je dirais, il y a un an, un peu près. C'est une Américaine qui fait des vidéos très sur le vintage, mais aussi un peu sur le cosplay, parce qu'elle fait un peu de couture. Et j'aime bien ce qu'elle fait comme vidéo, surtout que ça a gros l'avantage que c'est son métier à la base, de faire des vidéos, et que du coup au niveau montage, effets, etc., c'est plutôt sympathique. Et voilà, il y a plein de styles de différents, de vidéos différentes, mais voilà, j'aime bien Rachel Maxi, donc si vous voulez jeter un coup d'œil, je vous en prie. Est-ce que tu peux les plaît, s'il te plaît ? Alors, Rachel, R-A-C-H-E-L. Ouais, ça va, c'est plus souvent que ça. C'est Maxi, surtout. Et Maxi, M-A-K-S-I. Y, pardon. D'accord, ok. Ou Maxi, du coup, je sais pas exactement comment ça se prononce. Et moi, je mettrai en lumière son cosplay de Tom Holland en Spider-Man, ouais. Notamment. Ça a l'air bizarre dit comme ça, mais elle a fait un costume Spider-Man. Ah ouais ? Mais aussi un cosplay Tom Holland. C'est-à-dire qu'elle se maquille en Tom Holland, et grâce à des artifices de maquillage assez précis, elle arrive à ressembler comme deux gouttes d'eau à Tom Holland, en fait, de la saga Spider-Man Marvel actuellement. C'est marrant. Mais en fait, elle fait souvent des trucs avec des changements de genre. Elle s'est déjà cosplayée, entre guillemets, ou maquillée en personnage masculin. Et c'est toujours assez bluffant, en fait. Ou de proposer une version féminine d'un personnage masculin et inversement et tout. Donc ouais, je trouve ça assez cool. Et notamment aussi, elle avait fait une version début 20e siècle de Harley Quinn, ouais. Très inspirée, comment on dit, Harlequin. Harlequin, comme en fait. Comme Pierrot, un peu. Oui, un Pierrot. Avec la fraise et tout. Pour revenir aux origines de Harlequin, Harley Quinn, hein, bien sûr, puisque c'est le jeu de mots à la base. Quoi. Oui, tout à fait. Très bien, de mon côté, moi, j'aimerais bien vous conseiller une artiste que j'ai découvert il y a pas longtemps, parce qu'elle était venue en concert par chez moi, qui s'appelle Eivor. Ça s'écrit E-I-V-O-R, Eivor, qui est une chanteuse des îles Féroé, en fait. On parle justement de ces gens qui nous offrent des beaux cadeaux en ces périodes de confinement. Elle a offert un petit live dans sa cuisine, enfin dans son salon, on va dire, pendant que son copain faisait la vaisselle, c'était apparemment, d'ailleurs, c'était très mignon. Elle a une voix assez exceptionnelle, je suis assez sous le charme déjà. En plus, ce qui est sympa avec elle, c'est qu'elle chante parfois en anglais, mais aussi beaucoup dans sa langue natale. Et je vous invite à découvrir ce qu'elle fait. Et pour... alors c'est le hasard total, hein, parce que moi je l'ai pas découvert à travers ça, mais j'ai découvert que c'était elle qui avait fait pas mal de musique et de chansons pour le jeu God of War. Ah oui, tout à fait. Le dernier God of War sorti sur PS4, qui est absolument sublime. Je sais pas si elle les a composés exprès pour le jeu, mais en tout cas, il y a quelques prestations vocales de sa part, et tout à fait. Elle chante dans sa langue natale. Elle se permet aussi de faire des choses de l'ordre du chant guttural. C'est assez impressionnant de la voir en live faire ça. Mm. C'est une superbe découverte que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Voilà, et bah sur ce podcast se termine. On va terminer en beauté avec une petite musique que nous a préparé Valentin, un petit remix Zelda Breath of the Wild. Je te laisse présenter, vas-y. Voilà, qui dit confinement dit qu'on a le temps hein, de faire. Enfin, j'ai refait à la guitare le Cast Theme de Breath of the Wild. Le fameux thème musical qu'on entend de Azarim, il me semble, le personnage. Voilà, le personnage d'Azarim en français, c'est ça, ouais. Et le thème est absolument fabuleux, envoûtant, comme il faut. Donc, je me suis prêt à l'exercice de le refaire à la guitare. Voilà. Et bah, très bien, sur ce, on va se quitter sur cette fabuleuse musique, ce très bon remix à la guitare. On vous fait plein de poutous, on vous dit à tout bientôt et prenez soin de vous. Ciao, ciao, et lavez-vous Salut. Bien les mains. Bien Salut, sûr. À la prochaine. Ciao. Aux abonnés absents, l'émission AAA qui n'est pas présentée par des andouillettes.